Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Tu sais, le malaise palpable. Ben, si je me demandais qu'est-ce qui se passait. En direct d'Hochelaga, vous écoutez l'épisode 55 du Geek Collectif, le podcast. Mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné encore une fois ce soir de deux bons Jack, dont un partenaire, franc camarade, qui admirateur est des Twitter expos. En ce moment, oui, là. Oui, ouais. On est deux sur trois, ça, et où ta casquette des expos? Hein? Moi, je suis un fan des Blue Jays. Ah, c'est dingue. Si on ne serait pas chez vous, je te demanderais de décalisser. Et accompagné ce soir en invité, en grande primeur, Mathieu Bonin. Voilà. Mathieu Buzz Bonin. Oui, Mathieu Buzz Bonin. Mathieu oui. Pétage de coche Buzz Bonin c'est YouTube. Ça. Mathieu Blocage Bonin. Excellent. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien. Très content d'être ici, là, de voir cet univers-là. Là. Je suis content. Là. Je commence à baigner un peu là-dedans, là, dans les web radios. Fait que je suis content de voir ce qui se fait un peu, de quoi ça a l'air. C'est quoi l'énergie là, qui sort de là? Je suis très content. Tu t'es dit, je vais commencer en bas de l'échelle, puis après ça, je vais aller dans d'autres émissions. Puis, Oui, c'est ça. Je m'en vais à Paul Arcand demain matin. Là, puis après ça, qui sait, peut-être. On a volé le scoop à Arcand. Hey, Arcand. Vite comme ça, j'aime en plus entendre le terme web radio. Podcast, j'aime le concept podcast, mais c'est de plus en plus vraiment de la web radio. Moi, ça, c'est même que je le vois. Ça va-tu être disponible après ton affaire aussi en téléchargement? Tu, ben, sais-tu, je sais ou... pas encore. Je pense que ce qui va arriver, puis avec le format un peu de l'émission, ce qui va se passer, c'est que si ça a qu'à se ramasser sur le web, ça va être des propos controversés ou ça va être comme une séquence en tant que telle là, qui va faire buzzer, puis les gens vont le mettre eux-mêmes sur YouTube là, dans l'espoir d'avoir des clics avec ça. Fait que je pense que j'aurais même pas besoin de... Les gens vont sortir les highlights pour toi. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, moi, ça va être avec Ustream, puis il y a la possibilité là, d'enregistrer l'audio. Je vais l'avoir après. Fait que probablement que je vais partir une espèce de chaîne YouTube où je vais juste les mettre là, disponible quelque part par après. Là, mais ouais. Mais comme j'expliquais à André, moi, je mets beaucoup l'emphase sur le direct. Moi, c'est parce qu'il m'expliquait que vous, c'est surtout par après la diffusion que c'est là où les viewers se montrent. Là, fait que, là, c'est là un peu la différence justement entre le podcast puis le web radio ouais, c'est live ça, justement. C'est ça, mais on est en direct en ce on moment. On est en direct ouais, présentement. Un commentaire donc on vient de me faire part. Apparemment que le gars avec la barbe ressemble à Guy Turcotte. Donc merci Maxi QC. Ah. C'est un compliment, André. Oui, mon antigel est dans mon char. Fait que... Mais c'est à cause que t'as pas ta casquette rouge pour être mélangé avec Fred Durst. Oui. Puis mes tatous tribaux. Puis c'est ça. Mais donc, un bébé dans tes bras. Oui, quoi? non, mais on l'a tous vu, cette photo-là, c'était tellement cool. Vrai. Mais écoute, dans le fond, super simple. D'habitude, au collectif, on commence toujours par un tour d'actualité. Donc, on va faire un petit tour de table, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les collaborateurs. On va t'inviter à participer avec nous. C'est bon. Puis ensuite, ben, dans le fond, t'es le sujet de la soirée. Donc, on va t'accorder une grosse heure avec toi pour jaser du Web Québec, de toi, de ta carrière, de tout le stock là-dessus. Donc, messieurs qui aimeraient se mouiller en premier ce soir, Moi, je peux y aller. C'est short and sweet cette semaine. T'as joué un jeu d'Xbox? Non, Mildred, dis-le. Le. Ben, jeu. Ouais, le jeu d'Xbox One. C'est un petit jeu gratis en plus, fait qu'allez le chercher. C'est hashtag iDarb, iDarb. C'est le jeu idéal de tous les trolls internet. Puis c'est un jeu de sport. C'est full pixelisé, c'est 8 bits, c'est classique old school, c'est full customizable. Tu peux faire des Ghostbusters, tu peux faire Sonia Vachon, tu peux faire... T'es, moi, attends, Sonia Vachon. J'ai essayé, mais il n'y a pas assez de pixels dans le moule. Pour... T'as comme un frame déterminé. Mais c'est un setup pour celle-là. Là. Même pas. Attends, montre-moi ton carnet. Toi. Je suis sûr que tu l'as écrit d'avance. Parce que, sérieusement, la seule affaire que je reproche, c'est dans le customization, genre, les pixels sont pas assez larges. T'as genre 8 pixels de large. Fait que tu sais, le bonhomme, il est pas trop détaillé, mais ça donne son charme. En tout cas, je joue avec les Ninja Turtles. Moi, c'était carré. Mais qu'est-ce qui est hot du jeu? C'est comme un genre de jeu de soccer en plateforme. Fait qu'imagine Mario Bros qui joue au soccer. C'est... Il n'y a pas un jeu de ça au Super Nintendo, Rick? Mario Bros qui joue au soccer. Ouais. Ben, Mario genre soccer, World Cup là, Soccer. Trackers, ouais. Non, mais c'est pas pareil pendant tout, mais je parle classique Mario Bros. Tu sais, platformer. Fait que c'est un jeu de soccer. Dans un sens, ouais. Un peu soccer mélangé avec basket, genre. Là, c'est vraiment spécial. Peu du Windjammers. Ouais. 2015. C'est comme tu pitches un ballon, mais. Allez le voir, il est gratis, anyways. Là, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est que tu joues au jeu, puis pendant que tu streams le jeu live, les gens peuvent regarder ta game, comme tout, mais t'as une liste de hashtags que tu peux faire puis que t'envoies à un certain compte Twitter, puis ça l'interagit avec la game qui joue live quand tu fais le code qui est en haut écrit dans l'écran tout le temps. Puis ça fait des affaires. Il y a des troll face qui pop, il y a des l'inondations. Tu sais, en tout cas, fait que tu regardes une game, puis tu pognes ton sel, puis tu tweets de quoi... Puis ça fuck la game à quelqu'un d'autre qui est tout aussi, hein? Tu peux être aussi dans Twitch comme présentement. Un peu comme le monde qui font du swatting dans Twitch en plus. T'envoies le swat chez vous pendant que tu streams. Techniquement, ouais. Moins de swat. Le moins de swat. Plus drôle. Plus drôle. Plus drôle. Fait que, ben, en gros, tu joues, puis le gars, tu te regardes, t'écris hashtag. C'est quoi, Ricky? Ben, t'as un Rickroll géant qui apparaît dans son écran puis qui danse comme l'animation, genre, que tout le monde connaît dans le clip pis tout. C'est comme un gros gif, mais pendant ce temps-là, eux autres, ils essaient de jouer, mais ils voient fuck all rien parce que t'as Rickroll en avant. Fait que c'est juste cool pour l'interaction. Il est gratis, allez le chercher. Rick, il a joué, je pense, avant le Super Bowl. Moi, je l'ai montré à des gens qui s'attendaient que ça c'était pas être poche. On a apporté plein de manettes au Super Bowl. On était 6 gars. On a fait du 3 contre 3. On peut aller jusqu'à 8. On peut faire du 3 contre 3, c'était vraiment débile. On écoutait la game de hockey, puis à chaque entre avec des périodes, on jouait, puis après ça, on a joué jusqu'à temps que le Super Bowl commence. Puis c'était, c'est juste le fun. Multijoueur, là, c'est peut-être un des fun multijoueurs. Des petites games rapides, je pense que ça dure même pas 5 minutes. Ça prend pas le temps, puis oublie pas de parler de l'entraque aussi. Il y a un mini-game entre les halftime shows, c'est des mini-games de ridicule, de pitonne ta manette comme un Chris de débile. Fait que là, t'es 8 gars chauds qui... Ou tu joues une game d'astéroïdes de 6 personnes qui sont en train de se tuer, mais comme si tu jouerais à astéroïdes. Tout ça pour dire, il est gratis. C'est un must. Fait que, downloadez bon ça. L'autre jeu que j'ai joué, c'est rare, jeu PC. Je n'ai parlé bien vite la semaine passée, fait que je veux pas m'étirer dessus, mais je veux juste dire merci à Alex Greco qui me l'a donné en cadeau. Faut que tu le dises en anglais, par exemple. C'est Alex Greco. Il m'a donné le jeu, il m'a écrit un message, tu sais, tu n'as parlé, je l'ai. Ouais, c'est bien cool ça. Il y a des cadeaux là, Steam, là, fait ouais. Que c'est ça. Moi, je la jette à rien d'habitude là-dessus, puis il me l'a donné. Fait que là, je suis très bien raide. Merci Alex. Puis sinon, c'est rien que ça, sauf j'ai deux petits shout-outs à faire que je trouve cool dans Actualité Québec. Shout-out à Christian Bégin. Dis qu'est-ce que tu penses, man, je trouve ça cool. Là. Je t'haïssais avant, je te trouvais lame pis quétaine. Puis depuis que Marc Labrèche il a imité toi à Curieux Bégin, à cette heure, je regarde ton show, puis j'imagine que t'es Marc Labrèche, puis je trouve ça drôle, puis je trouve ça le fun. Puis ma blonde, elle rentre dans le salon, puis elle me trouve calme. Elle dit « Pourquoi t'écoutes Christian Bégin? Il est tellement quétaine. » Ben, j'imagine Marc Labrèche. Puis là, qui a dit manger de la merde au gouvernement cette semaine. Ah, c'est cool. Ça, toutes les photos sur Facebook de lui avec un étron, avec son bonhomme. Toi, t'avais pas catché? Ben, très honnêtement, je pense que le web, tu sais, je travaille dans la journée puis j'ai pas le temps de checker mon cell. J'ai remarqué qu'en 8 heures d'internet, là, il s'en passe en tabarnak des affaires. Ouais, des fois j'arrive le soir puis je fais comme wow, ça sort d'où ça? Ça a dégénéré bien. En gros, il faisait un speech en quelque part dans une petite région pour dire qu'il parlait que le gouvernement appuyait pas assez les jeunes de la région pour travailler puis tout. Puis il a carrément dit comme manger de la marde ou Ben, c'était un rassemblement contre l'austérité qu'il contre avait. Contre là-bas, ouais. Là. Il a fini avec un malheureux manger de la merde. Puis là, les médias ont repris ça et en ont fait un scandale monumental. Il y a du monde que le hashtag boycott IGA, tu sais, à cause qu'il est représentant de porte-parole des aliments. Fait que lui, ce qu'il a dit, on boycotte une épicerie à ce moment-là. Oui. Parce que c'est lui, tu sais. C'est ça. T'sais, c'est lui qui me donne mon conso de framboise à 50$ d'achat. Ben, ça, c'est lui qui est cueille, man. Mais le boycott, c'est pas super parce qu'il y a eu 2-3 tas de marde qui ont parti ça et qui l'ont fait, le boycotter l'IGA. Mais le plus drôle là-dedans, c'était les gens qui écrivaient comme « Il est à Télé-Québec, c'est l'argent de mes impôts qui paye ce gars-là. » Moi, je suis comme le monde, non. Ouais. Il envoie chier son boss, finalement. Là, t'es comme « Pauvre vrai. » Ça, c'était ridicule. Comme si le gars, tu travailles pour le gouvernement, Star femme ta gueule. Non, il a le droit d'une opinion. Ça aucun bon sens. Hey, fait que dans le fond, ça veut-tu dire que je peux demander un crédit d'impôt à cause qu'il y avait endossé Philactère Cola dans le temps? Ou... Peut-être, man. Check ça avec ta comptable. Mais tout ça pour dire que, shout out Curieux Bégin. C'était quoi, quand tout le monde en parle, avait commencé, il me semble, Guillaume Lepage, il avait reçu plein de plaintes, puis il avait vraiment décortiqué qu'est-ce que ça coûtait à chaque contribuable. Puis il avait mis un pot de 25 sous à l'entrée de Radio-Canada. Puis il a dit « Vous êtes en tabarnak? » C'était 25 cents. « Venez chercher votre 25 sous, il vous attend. » Ouais. Ouais. Le soir, il pensait à ça en se crassant avec ses millions. Puis... Ben, t'es allé là avec Guilla. Hein? Guilla Lepage, ben, qui se crassait ou la personne? Guilla. Parce que c'est une espèce de sale gauchiste. Un gars, une fille, là, dans 40 millions de pays. Puis, excusez. C'est correct. Puis mon autre shout-out, ben vite, c'est moi, j'écoute même pas ça, parce que j'aime pas ça être trop déprimé, mais dans 19-2, il y a eu un verse au complet de Loud Larry Adjust, puis je veux leur donner un petit shout-out, parce que, premièrement, c'est en franglais, pour passer dans 19-2, un show mainstream Québec, puis c'est un petit band, quand même gros band, mais hip-hop semi-controversé un peu avec les propos puis le franglais puis tout cette shit-là. C'est pour que ça marche dans la version de Bravo, ça, là. Bon, peut-être, c'est peut-être ça. S'ils se rendent dans la version anglaise avec la même tune au même moment de la genre de Wannabe Remake scene, là, ça serait encore plus hot. Mais c'était juste shout-out au gars qui réussit à faire avancer cette scène-là au Québec puis donner une petite crédibilité de plus en étant cool, dans des shows de même. Puis, anecdote de 19-2 en anglais, tu sais, j'ai un de mes chums qui écoute 19-2 en anglais puis il fait « c'est fucking bon ça ». Et j'ai pas pogné le début, par exemple. T'es au courant que c'est 19-2, mais en anglais... Oh, chier. Tu sais, lui, il était sûr qu'il venait de découvrir un nouveau cop show écœurant, pis c'était comme, man, c'est la même affaire, c'est juste Claude Legault, il est noir, tu sais. J'étais pas sûr, moi, j'ai juste flippé pas, c'est un moment donné, je suis tombé dessus, pis j'étais là, Claude Legault, c'est-tu le noir ou c'est l'autre? Genre, j'écoute pas ça, genre. Mais la série anglophone n'est pas disponible nulle part sur Internet? C'est Bravo, ça doit être en live streaming sur leur site. Ouais. Sinon, à la TV, ça joue comme en reprise à tous les deux. J'ai pas la télévision, fait que. Bon, ben voilà, on vient d'en régler. J'ai cherché ça sur Bravo. Personnellement, je trouve que ça se dit calissement mal en anglais. 19-2, là. 19-2. Je trouve plus que Hochelaga, ça se dit mal. Ça avec, là, mais. En tout cas, pas crédible, Benoît, un show en anglais à Hochelaga. Mais c'est pas à Hochelag. C'est à Montréal. Je suis même pas sûr c'est à Montréal. Non, c'est la police anglophone. Du monde anglophone. Ça doit se passer à Toronto en anglais. Là. Ah, faudrait l'écouter puis s'informer. Mais ça... Certainement, ou demander aux auditeurs qui nous écoutent. Écoute, à date, on a L Gold Turkey L qui dit que 19-2 en anglais, ça suck. Oh my god. Fait que... Merci. Ben, c'est réglé d'abord. Là, fuck it, je l'écoute pas. Juste avant, il demandait, il disait que si tu manges une banane puis tu bois du 7-Up, tu vomis. Ben ça rajoute à la crédibilité du... C'est vrai ça, plus jeune, c'était une espèce de légende urbaine, ça, que le 7-Up puis la banane, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit ça. C'était dans la même lignée que les Mentos avec le Coke, là, c'était à essayer. C'était le même gars là, qui te faisait retenir ton souffle jusqu'à avant que tu t'évanouis. Ouais, c'est ça. Auto-erotic asphyxiation. C'est ça. Ben merci Milton pour les points. Ouais, ben je vais y aller. Éric, tu veux y aller? Ouais, moi c'est deux petites choses quand même. Puis quand vous allez écouter le show dans 2-3 semaines, je sais pas. Mais Christy de grosse nouvelle dans le monde du comic, d'après moi. Puis je trouve que ça vaut la peine de le savoir. Mais Spider-Man dans le Marvel Comic Universe, là, je suis un des gars les plus contents au monde. Puis tu sais quoi? S'il joue ça bien, il arrive juste en temps. Moi je trouve que s'il embarque dans Civil War, comme qu'ils ont dit qu'il va faire. Bien content avec ça, puis s'ils me font un autre film entre-temps, Sony qui mixe là-dedans. Je suis juste content que Sony, là, ils ont besoin d'argent, finalement. Puis je suis bien content de ça. Puis je suis bien content qu'on va l'avoir. Une petite question pour vous autres. Spider-Man, là, c'est-tu Tobey Maguire pour vous autres? Ou c'est... comment il s'appelle? Andrew Garfield. C'est qui vous autres? Spider-Man, pour moi, c'est Spider-Man. Là, je veux dire... Ouais, mais c'est moi, c'est Andrew Garfield. Meilleur des moi. Deux, dans le fond. C'est Tobey. Ça peut pas être... Ben, c'est parce que c'est les premiers. Ouais, c'est le premier que j'ai vu. Fait que moi, dans ma tête, c'est lui. Puis là, quand j'ai revu l'espèce de remake qui était exactement le même film que l'autre, mais j'ai comme... Je trouvais ça moins bon. Je suis déçu. Toby avec la direction du nouveau Amazing, je trouve. Parce que moi, il y a une scène qui m'a défini qu'il y avait catché Spider-Man dans le nouveau. C'est la scène où t'as le genre de voleur qui menace Spider-Man avec un couteau, puis il fait comme ah oh non, un couteau, ma seule et unique faille. Puis tu sais, l'humour de Spider-Man était plus là. Ouais. Mais j'avoue que Toby, il y avait plus une tronche de Peter Parker qu'Andrew Garfield. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, Toby, il fitait avec l'image du dessin dans ma tête, la face, le physique du gars, plus que Andrew Garfield. Puis, je vais te dire, ça dépend aussi. Il a l'air un peu plus d'un jeune YOLO là, qui tripe à être Spider-Man. T'es comme, mais non, mais c'est ça, Spider-Man. Mais le seul grand pouvoir de grande responsabilité, Trouduc, là, s'il te plaît. Le seul bout, c'est quand il écoute du Linkin Park puis qu'il vire Imo. Ça, je l'ai pas catché. Ah oui, non. Mais dis-tu quoi, Spider-Man 3. Même lui, il l'a pas compris, tu sais. Spider-Man 3, ça va toujours rester le genre de film là, que Sam Raimi s'est battu avec les studios puis c'est devenu un gros mot de tête. Il a fait exprès. Il y a des studios qui ont shoehorn Venom là-dedans pour aucun rapport, puis peut-être pour vendre des jouets. Anyways, on a déjà parlé, je pense, dessus le show. Puis tu sais, surtout quand tu vois Venom, puis la seule image que t'as, c'est quand ils font le tour de table à That 70 Show, puis tout le monde est gelé. Le gars, il perd sa crédibilité direct là. Mais moi j'ai toujours trouvé drôle, là, mais Tobey Maguire, puis justement, lui, j'ai mélangé. Fait que moi, je pensais que c'était le gars de That 70 Show qui avait eu le rôle de Spider-Man dans le temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, ils n'ont pas parlé encore du casting. Non, mais ça va être Andrew Garfield. Ils ont dit Sony, ça va être... Ils veulent continuer avec ce qui se passe en ce moment. D'après ce que j'ai vu. Ah, parce que t'as les Sinister Six, apparemment. Puis les Sinister Six, il est delayed. Puis le Spider-Man Garfield va être dans Civil War. Ça, c'est cool. Ça, c'est une manque que j'ai. Tu disais que Sony garde le dernier mot. Surtout pareil, fait que tu sais, peut-être qu'ils ont dit non, on garde la même gars pour fitter. En même temps, je pense qu'ils vont juste cacher des chèques, là, mais ils disent ça pour dire ça. Ouais. Parce que c'est eux autres, ils ont les droits, ils veulent juste pas perdre les droits de Spider-Man. Ils ont vu les potentiels. Ils vont continuer de faire leur film, ils vont faire du cash. Avoir des potentiels de redevance d'un autre bord. Juste qu'ils soient là-dedans, là, je pense que c'est très très très bon. Money. On s'entend-tu qu'ils vont milker Spider-Man? Moi, je suis sûr que Spider-Man va se retrouver dans Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter. Ils vont milker Spider-Man? C'est du nouveau, ça, quand même. Non, mais là, ils vont le milker au bout parce que Sony, en plus, ils ont plus une scène. Fait que là, c'est comme... Non, on veut des redevances. T'as-tu vu ton PlayStation 3? T'as-tu vu le font? Mon PlayStation 3. Regarde comment c'est écrit PlayStation 3. Ouais, c'est vrai, c'est pas... Le font, c'est le font de Spider-Man. Comme ils ont tellement Sony abuse en tabarnak là, avec Spider-Man. C'est pour ça qu'il venait avec Spider-Man, le PlayStation... C'est mind blown, man. Eric, avais-tu un autre point pour nous dans l'actualité? Ben, Mathieu me fait penser à quelque chose, par contre. Il va sûrement avoir des débats dans le futur de mon Spider-Man, c'est... Toby. En fait, il y en a déjà sur le chat présentement. Puis, mais ça me fait penser à le gars dans ses mi-trentaines qui est comme, je m'excuse, mais Milter, c'est qui le vrai Batman? C'est pas Michael Keaton. Adam West. Pour moi, fuck cas, you, c'est Michael Keaton. C'est Adam West, man. Tabarnak. C'est Adam West. Il fait le Batoussi, man. Batman, pour moi, c'est le premier. C'est le vrai. Ah. C'est swingé dans le vide, puis une grosse power qui apparaît. C'est ça, Batman, pour moi. Non, j'ai ça. J'ai vu Jupiter Ascending. Regardez les critiques, sont poches, je sais. Mais le film, il est vraiment le fun. Ah, j'ai embarqué là-dedans pour le fun, puis je me suis vraiment amusé. Tu vas pas au cinéma faire une dissertation en écoutant Si tu fais une dissertation de Jupiter Ascending, là, va voir le docteur de tête au plus vite, parce que ça, tu gaspilles ta vie. Docteur de tête. Le head doctor, laisse-moi donc. Psychologue. OK. C'est un head doctor. Cool. Psychiatre. Peu anyways. Importe. Anyways. Mais le film est super bon. Il y a une scène d'action au début qu'au cinéma, si tu vas le voir, là, ça n'a juste aucun bon sens. C'est un 12 minutes de n'importe quoi, là, mais c'est une ride de fou vraiment à la sibling Wachowski, frère et sœur. Puis ouais, c'est vrai, on peut plus dire les frères Wachowski. Non, c'est ça, là, c'est ça, c'est fini. Puis il y a une dernière chose, j'étais à peu près à moitié d'attendre un playthrough de Chrono Trigger. Mr. Michael LaRouche là, qui va faire son complet là, sur le 20e de Chrono Trigger, puis je sais qu'on va être dessus pour son émission spéciale. Demain chez lui pour enregistrer la capture. Vendredi, là, puis on va chacun avoir nos petits morceaux là-dessus. Mais man, c'est-tu que ce jeu-là, il est bon, man. Comme je l'ai joué comme 2-3 fois quand j'étais jeune. Puis même à ça, je pense même pas 2-3 fois. J'ai fini une fois, puis après ça, j'ai gossé avec un peu, mais j'ai pas continué après. Mais là, j'ai vraiment rembarqué dedans. Puis fuck, il est bon ce jeu-là. J'adore ce jeu-là. Puis je suis tellement en train de triper. Hein. On lui fait ça une couille. On met un sombrero pour fuck all les deux. Puis on arrive. Puis il catchera pas. Pourquoi pas? Il doit écouter présentement. Hein, fait que... Fuck! Ok, on met pas un sombrero. Puis si tu joues à Chrono-Trigger, tu vas peut-être t'en rappeler, mais je me suis toujours aimé que le fair. T'as déjà joué à Chrono-Trigger? Non. Ou... Mais au début, tu commences le jeu, puis tu vas vraiment. Il y a une excuse pour avoir une foire dans le jeu. Puis c'est un RPG où que tu rentres dans la foire la première fois que tu fais. Mais la foire, c'est juste conçu pour te faire comprendre comment est-ce que les mécaniques du jeu fonctionnent. Puis j'ai toujours aimé ça. Chaque personne que tu te rends compte, c'est comme « Ah, ça, tu fais ci. Ah, ce dude-là, ben ça, c'est lui que tu vas acheter des affaires de, mais en donnant de l'argent parce que tu as joué à des jeux. » Puis, anyway, ce jeu-là est bon, puis j'ai bien hâte de voir le Conservatoire Rétro, qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Puis André, il est très diverti quand il y a bien du monde dans le Twitch. C'est drôle. Ben, j'essaie de répondre au monde parce que c'est Michael Larouche qui nous répond. Il répond « Merci de spoiler mon épisode, les gars. Faites-en pas à vitesse que j'édite les miens. On devrait être en ligne dans 2 semaines. » Fait que, tu sais, ça te laisse du temps. C'est juste ça de même, là. Mais merci, Eric. C'est un spoil, ça. Fuck, Michael, je m'excuse. Mais est-ce qu'il avait mis de quoi qu'il disait « Parlez-en en personne. » J'ai-tu manqué ça? Ben, en fait, c'était écrit en gros caractère au début. C'était écrit « Eric, s'il te plaît, ne spoil pas ça dans un gros hyper lien rouge. » Non, tu me bullshit, là. Oui. Mathieu, t'as-tu ben, d'actualité? Qu'est-ce que tu penses? Juste avant de parler d'actualité, ça me fait penser, parlant du spoil, l'année passée, j'étais avec Pelep, on tournait une capsule Pelep de Petit Petit Gamin, puis j'avais aucune idée c'était quoi spoiler. Moi, j'apprends à la vitesse grand V, tu sais, je suis débarqué sur le web, puis j'essaie de... En tout cas, bref, je savais pas c'était quoi faire du spoil. Puis il y avait eu le Grand Theft Auto 5 qui venait juste de sortir, puis il y avait comme 2-3 jours après un malade qui avait comme vraiment passé le jeu au complet, puis qui avait comme écrit comment que ça se terminait le jeu, mais comme les gens avaient même pas eu encore le temps de l'acheter, tu sais. Puis moi, j'avais fait une vidéo, j'avais fait comme « Hey, guys, ça finit de même, le jeu! » Puis je comprenais pas pourquoi j'avais eu une vague là, de menaces de mort incroyables. C'était là « On va te trouver, puis t'arracher les yeux, mon calice. » Ça finissait plus à quel point c'était... Surtout les fans bref, de j'ai... ce jeu-là, c'est des violents. Ah, oh, ouais, ouais, ben, c'est incroyable. Scientifiquement, ça. Mais bref, j'ai appris la signification de spoiler à ce moment-là. Sinon, dans le tour, moi, ça va plus être sur l'actualité. Là. C'était la semaine PKP, hein, cette semaine. Pierre-Carl Péladeau, qui est... En français. Qui est en français, s'il vous plaît. Je l'ai pas trop catché, j'ai vu ça, puis là, j'ai vu comme plein de... Une autre journée de 8 heures. Une autre journée sombre des médias, là. Mais il y a eu en premier le discours vide qui a fait dans un rassemblement où ce que tous les candidats à la chefferie lui, pouvaient comprendre TV. Non, c'était un peu après, mais c'est toujours du vide, anyway, PKP. Mais c'était comme, tu sais, quel est ton argument? Pourquoi qu'on devrait voter pour toi? Puis c'est pas je vais gagner. Puis il était comme, fait que ben, c'est ça, une bonne, mon père me léguait québécois, fait que moi j'ai l'intention de gagner, je veux faire du Québec un pays. Fait qu'à la question, pourquoi qu'on devrait voter pour toi, Pierre-Carl? Parce que je vais gagner. T'es il a droppé le mic après, puis il a comme débarqué du stage. Il est fou, hein? Partir. Tug Life. Ça a arrêté, excellent. Tug Life, hey, j'avoue, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas de vidéo de Tug Life de ça sur le net? Come on, guys. Fais-le, André. Je sais pas avant la faire fin ça, d'enregistrer à quelqu'un sur le Twitch qui va le faire. C'est clair, faites un truc live. Mais il a pas fait une autre affaire, justement, en français. Oui, là, ben c'est semaine, ça, ou c'était à Rouyn-Noranda, puis il y avait le Brief, je me souviens plus c'est quoi le nom c'est du band. Groenland. Ouais, Groenland, ouais, c'est ça. Ouais, Groenland, c'est ça, puis ils sont bons, eux autres, en Pierre-Carl ouais. A avoué par la suite qu'il ne connaissait pas ce band-là, pas du tout, donc il savait pas que c'était des gens ça justifie qui chantaient principalement en anglais, ce qui justifie la connerie de la chose. Puis c'est ça, il est allé d'un grand, puis là les médias en ont parlé en début de semaine, on a fait spinner ça à quel point c'était malaisant, puis aujourd'hui la vidéo est sortie, puis je pensais pas que c'était aussi pire que ça, c'est vraiment, c'est même pas pendant une toune, c'est entre deux chansons, la chanteuse fait comme une espèce de petite animation, puis à un moment donné, on entend dans la salle « En français! » Puis là, comme à l'arrêt, il est comme « Quoi? » Il est comme « En français! » Puis là, t'es comme « Mais attends, okay, en français, là, oui, il répète! » Puis elle fait juste faire comme « Hey, mon boy, tu t'es trompé de salle, je suis désolé, sortez-le, quelqu'un, et ça, viens, ça! » T'es comme « Man, mais à quel point mais t'étais... » Mais elle savait pas que c'était... Non, c'est ça, elle a dit ben qu'elle avait aucune idée que c'était Pierre-Carl qui criait ça, parce que Qui peut penser 30 secondes que ça serait hein, le propriétaire d'une usine ben, à marbre comme ça? Le futur premier ministre qui crie ça. Ça, genre. C'est lui qui va faire du Québec un pays, dans le fond, parce qu'il va gagner. Ben oui, évidemment. Mais pas au premier mandat. Tu sais quoi, ça, c'est le plus politique qu'on ait été ever. Habituellement, on reste loin de ça, André. Ben écoute, c'est pas grave. Hein, on t'sais. En parle. Là, je vais arrêter. Là, c'est correct. Je m'excuse. Mais honnêtement, je pense qu'Éric a des idées radicales. Puis quand on se met à faire un débat, ça finit. Tu sais, il vient d'Ottawa. Hein, fait que c'est pas long, ça va au Parlement. On se calme. Là, je suis un good guy. Ben cool. Écoute, merci Mathieu de partager ça avec nous. Honnêtement, tu m'as éclairé parce que j'étais pas trop au courant de ce qui s'était passé, très honnêtement. Tout partout, ce que Pierre-Carl se met les pieds dans les plus, j'ai jamais vu. Le plus drôle dans ça, c'est que oui, il l'a dit entre deux tonnes, mais entre les chansons, elle s'exprime en français, puis pendant c'est des chansons en anglais, mais elle parlait en français entre les chansons. Ben c'est ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus à m'emmener, là? Ah, tu sais, c'est quand même blood, là, tu sais, aurais-tu fait la même affaire dans un show de Simple Plan, ou... Ben il chante en français avec Marie-Mé à Star, fait qu'il arrête. Bon, ouais, mais attends, ça c'est le radio edit, là, tu sais, genre on fait une version pour le Québec, puis on fait une version pour ailleurs. C'est pas mieux, sinon... Mais c'est un peu dégénéré, parce que là, il y a Philippe Couillard à l'Assemblée nationale, qui était quand... oui, mais là, les chansons à la voix, hein, c'est en anglais, ça va être en français, t'es comme, hey, pour vrai, là, t'sais, spiné dans le vide. Pourquoi qu'ils se mêlent de ça, eux? Pendant ce temps-là, là, j'ai comme craqué 3 mags, j'ai eu plein de flats, les roues, c'est comme... On parle des vraies choses. Oui, c'est ça, les vraies affaires. La santé va bien, fait qu'on va parler de la voix. Hey, moi, c'était plutôt plate comparativement à tout ce qui s'est passé. Dingue, ben non, génial, c'était génial comme semaine. Juste écoute, avant, la cigarette électronique vous dérange pas si je... Ben non, je... ça l'empêche pas trop, je suis sûr. Non, c'est pas un problème. Parfait. Donc, c'est ça, j'ai eu la chance de me faire inviter dans un festival qui s'appelle Festiomuse. Un festival de musique, Oui, vous autres pensez que c'était de la musique, mais non, on Éric, parle de musée. Moi, tu me l'avais dit. On parle de musée, donc Festiomuse, on va avoir la chance d'avoir Christine et Noémie qui vont venir à l'émission nous en parler. C'était au musée québécois de la culture populaire à Trois-Rivières. Fait que moi, je suis parti dimanche avec mon char à propulsion 140 avec la neige qui tombait, puis je me suis dit, m'en va à Trois-Rivières, m'en va voir c'est quoi Festiomuse. J'arrive là-bas, puis dans le fond, c'est super cool, ça se base sur 3 jours. Je veux pas spoiler trop, ils vont venir à l'émission en parler, mais je connaissais fuck all ces musées. Je connaissais fuck all comment ça fonctionnait. J'ai vu l'envers du rideau un peu. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir me promener dans le musée et de regarder. Puis il y avait une exposition de jouets antiques, quand même assez fucking cool. Fait que tu sais, il explique tout un peu comme l'évolution. Puis tu sais, t'as les vieux jouets, mettons, comment je peux dire? Tu sais, les jouets pour femmes des années 40, là, tu sais, genre que t'as le kid, son jouet, c'est un tracteur puis un truc de pompier, puis elle avait une réplique à l'échelle d'un fer à repasser pour enfants, un four. Fait que tu vois vraiment l'évolution de genre, ça c'est un jouet pour femmes des années 40, c'est super dégueulasse. À un moment donné, ça s'améliore, c'est sûr, mais sans joke, c'était vraiment cool de voir, tu sais, un peu l'envers du rideau. Ils vont venir nous en parler, ils vont venir nous parler de Festiomuse, le prochain épisode. Puis j'ai eu la chance aussi, Christian Bolanos, un de nos, il est venu à l'épisode une couple de fois, un de nos bons chums, m'a invité dans un genre de party au bar L'Inspecteur Épingle qui s'appelait Montreal Loves Dilla, en l'honneur de G. Dilla. Rest in peace. Qui est décédé d'une maladie, je pense c'est de sang. Donc mais ils font... Ils ont cardiac fait... arrest. Ouais, ben écoute, selon Wikipédia, il serait mort de thrombotique thrombocytopénique purpura, qui serait un blood disease. Mais on sait qu'on peut pas faire fléau. Ce fameux fléau, ça c'est ça justement. Il y a des milliers de... Mais le pire, c'est que c'est un party qui a été fait pour la fondation de G. Dilla, puis Christian, il a aidé à débarrer un peu là-dedans. Il a fait le logo, il a fait des t-shirts, des affaires de même. Honnêtement, il s'attendait pas à ce que le party lève de même. C'était un party, l'inspecteur épingle, c'est grand comme... Il accueille peut-être 400-500 personnes tops. Sauf que là, un moment donné, ça a comme sauté en dehors des proportions parce que le frère de G. Dilla, sa blonde est montréalaise, par le pouvoir des réseaux sociaux puis du networking, il a réussi à se faire approcher pour venir animer la soirée. Donc, le frère de G. Dilla était là pour animer la soirée. L'inspecteur épingle était à quasiment deux fois sa capacité. Le genre de party que t'attends qu'il y ait du monde qui sorte pour en faire rentrer d'autres. Le genre de party là, que tu veux pas que les pompiers arrivent. Le genre de party que les pompiers ne sont pas arrivés, c'était assez intense. La musique était incroyable. C'était super le fun. Moi, je suis pas un gros gars de scène hip-hop underground montréalaise, tu te quittes. Mais c'était fou, honnêtement. C'était... Mis à part le fait qu'il y avait beaucoup trop de monde, puis quand t'allais te chercher une bière, ton bras revenait plein de sueur. c'était vraiment cool, tu sais. Fait que pour les gens qui aimeraient ce genre de musique-là. Moi, je vous dirais, tu sais, peut-être suivre Toast Dog à ce moment-là. Christian aussi va partager des choses. Allez le voir sur Facebook et Twitter. Puis sinon, il y a encore la page de l'event qui était le 7 février, Montreal Loves Dilla. Allez regarder ça. Toast Dog, CFD, Dr. Mad, FX, puis Manzo, c'était ceux qui faisaient jouer de la musique pour nos oreilles ce soir-là. Et c'était assez débile. Fait que c'était ça qui s'est passé dans ma grosse fin de semaine. C'était une bonne soirée. C'était une très bonne soirée. Ça a fini tard, puis ça a fini un peu rond. Fait que je vais finir mon argument là-dessus. Rond que, ben, la vie va bien, t'es un peu léger, tu peux tomber, puis ça fait même pas mal, tu sais. Les bancs de neige, fait que, c'est ça. Ouais, ben, il neigeait beaucoup, effectivement. T'sais, on parle des bancs de neige montréalais. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une courte pause pupi de 30 secondes, pause ravitaillement, puis ensuite, on va revenir avec Mathieu. Mathieu, on va te faire parler, là, parce qu'on t'a négligé depuis le début de l'émission. Là, tu vas pouvoir te lâcher là, se parler de tout ce que tu veux sans censure, parce que pour la première fois du collectif, je m'engage live là, je n'édite pas l'émission. Je prends un MP3, puis je le pitch sur Internet, je le garoche, puis Internet va en faire ce que je veux. Chose toujours qu'il va éditer quelque chose. Le pire, c'est que j'édite. Dit qu'il dit qu'il va éditer. OK, la vraie réalité, là, c'est que je dis que j'édite, puis rendu à 45 minutes de l'écoute, je fais « Ah, fuck off! » Je le laisse passer. Fait que les 45 premières minutes sont bien cool, mais... C'est ce que ça va donner. Donc, on est de retour dans 5 minutes. Les gens qui sont avec nous en ligne, si vous avez des questions pour Mathieu, postez vos questions à ce moment-là. On va pouvoir les rajouter aux nôtres. Puis faites sûr que ce soit des questions politiques. Ouais, des questions de politique, parce que la règle numéro 1 du collectif, c'est pas de politique, c'est joke, mais c'est tellement joke. C'est juste sur PKP, man. Oh oui, c'est moi, je réponds à rien d'autre. Des jokes de QMI, politique. J'ai vu un commentaire dans le Twitch, le bon bonnet, puis c'est politique. On parle d'actualité, c'est mais politique. Oui, non, c'est ça, on va arrêter. Donc, sur le champ, je m'engage à ne plus parler de politique. En fait, non, tu peux parler de politique, parle de ce que tu veux, voilà. Mais de retour dans 5 minutes. Donc, de retour de la pause, donc ce soir, on va parler Web Québec, on va parler Web tout court, on va parler Québec tout court aussi. Mathieu? Pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou qui te connaissent peut-être pour des raisons moins le fun, je t'offre la tribune. Je t'offre notre tribune qui est beaucoup moins versatile que la tienne, mais écoute... T'as 3 minutes, on coupe un annonce. Ouais, c'est ça! Mais c'est qui Mathieu Bonin? Ouais, c'est qui Mathieu Bonin? Moi, en fait, je pense qu'il faut comprendre d'où ça partit, cette gogosse-là qui est mon compte Facebook personnel, là, c'est que j'ai toujours gravité un peu autour du monde du spectacle. J'ai fait des shows d'humour de spectacle amateur à chaque fin d'année à mon école. Après ça, j'ai participé d'un truc qui s'appelle le Gala Révélation, là, qui se donnait au Théâtre Saint-Denis. Puis c'était une espèce de concours en chant, danse, en animation. Puis au travers de tout ça, j'ai suivi une formation en animation à l'école Promédia à Montréal. J'avais gagné finalement ce concours-là, ça m'avait donné une bourse, ça c'était en 2007. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que je voulais faire de l'humour. J'ai toujours voulu faire de l'humour, ça a toujours été ça depuis le temps que je me souvienne. Puis je savais pas où aller, je savais pas qui aller voir, comment ça fonctionnait. Puis tu sais, moi je viens de la campagne, je viens de Sainte-Martine, qui est comme un peu plus loin que Châteauguay, l'autre bord du pont Mercier, là, dans le fin fond du trou du cul du monde entier, là, avec moi il y avait des moissonneuses batteuses là qui passaient sur la rue principale. Ah, ces quatre flashs là pour tes épées. Ouais, okay. C'est ça là, tu sais là, moi c'était ça mon univers. Fait j'ai pas grandi avec des gens, mes amis, c'était pas non plus des personnes qui partageaient cette même passion-là que moi, tu sais. Sainte-Martine, ça tourne beaucoup autour de la pêche à la glace, les quatre roues, puis tu l'as-tu fourré finalement, Catherine, parce que bon, tu sais. C'est comme un Val-d'Or, mais ça arrive sud. Ouais, exactement. C'est le Val-d'Or de la rive sud, tu sais. Fait que je savais comme pas trop quoi faire, où aller. Puis, à un moment donné, j'ai juste fait comme « Hey, YouTube existe, je peux me faire un channel, puis faire mes propres conneries, m'autoproduire devant un public. » Bon, c'était un public de 4 personnes, mais reste que j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'en ai fait de la marde, mais je regardais ça récemment parce qu'ils sont pas supprimés, mais ils sont tous privés sur YouTube, évidemment, parce que c'est très gênant. Puis un moment donné, il y a une nouvelle qui passe à Arcan le matin. Moi, je pense que depuis l'an 1 de Paul Arcan, 98.5, que je l'écoute chaque matin. Puis à un moment donné, bon, il y a une nouvelle qui passe, c'est le projet de loi 48, c'est Minoun, c'est Charles. Puis là, il va falloir aller faire inspecter nos chars qui datent de 8 ans. Puis là, je suis exactement dans cette situation-là, un que char j'ai de 8 Minoun, ans. Pis tout. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, non. Fait que je décide de me filmer avec mon téléphone, puis je pète une coche sur ce projet de loi-là. Je le fais dans un français assez correct, avec un shitload de sacre à n'en plus finir. Puis je m'exprime vraiment, je suis sincère. Là. Ça vient vraiment de mes tripes et du cœur, ce que je dis. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Je me sens en ligne, tu sais. Je me dis, bon, ben, il y aura ma mère puis ses amis qui auront vu ça, là, que je suis pas ben content de ça. Fin, tu sais. À ce moment-là, t'avais quoi, 25 amis, genre? Peut-être. Ah, j'exagère, oui, c'était, mais... c'était genre 200 amis sur Facebook. Là, le vrai monde que tu connais. Je me souviens, genre, j'avais fêté mon 25e abonné sur YouTube. Là, puis j'étais comme, ouais, ça s'en vient. Hein? Il y a quelque chose qui se passe. Là. T'étais sur la bonne track, pareil. Oui, ouais, j'étais sur la bonne voie avec ça. T'sais. Fait que moi, je me sens en ligne cette vidéo-là de pétage de coche, puis je me couche. Je me suis fait réveiller le lendemain matin par c'était Radio X de Québec, tu sais, qui m'appelle parce que mon numéro de téléphone était sur ma page Facebook. Puis là, ils m'appellent, puis là, je réponds, je suis comme, oui, allô, ils sont comme, salut Mathieu, écoute, tu veux-tu nous donner une entrevue? Je suis comme, une entrevue, pourquoi? Ben, ta vidéo, tout, écoute, on te met en onde dans 30 secondes. Je suis quoi, tu sais? Puis là, je me ramasse à parler à je me souviens plus qui anime ça le matin. Puis là, ma journée commence dans... Là, je m'en retourne voir sur YouTube. Là, la vidéo est rendue à 25 000 vues. Je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, est-ce? Puis là, pas là, après ça, je m'en vais travailler. Moi, je travaille dans une shop de forage, tu sais. C'est moi qui nettoie avec une hausse à pression des foreuses qui reviennent de ces chantiers qui sont tout couverts de marde puis de boîte. Moi, ma job, c'est de passer la hausse à pression là-dessus. Ça me revole dessus. Je suis tout cochonné, tu sais. Puis là, en me rendant au travail, j'entends Dominique Arpin au 98.5 FM parler de moi avec Paul Arcan. Je suis hostie. Ça fait 3 ans, je les écoute chaque jour. Je parle de moi, tu sais. Puis là, je continue à travailler. Ça reste de même. Là, j'arrive chez nous. La vidéo pogne 50 000 vues. Là, le lendemain, je retourne travailler. Puis là, je suis à ma pause en train de fumer mes cigarettes avec mon café. J'ouvre le journal de Montréal. Puis la deuxième page, c'est ma face avec un internaute exprime sa colère. Tu sais, pris la photo la plus flatteuse de toi. Là, c'était évidemment la pire des hosties de screenshots qu'ils pouvaient faire de la vidéo. J'ai l'air de vouloir te tuer, tu sais. Puis là, c'est ça l'article avec, bon, Mathieu Bonin a pété Mathieu avec un T, évidemment. Eux autres, c'est depuis le début, là, ils ont jamais... parce qu'ils ont fait des articles sur moi récemment à cause de fucking Gabois, puis c'est toujours un T. Bref, c'est pour ça les deux T en majuscule sur ton tout le temps. Pour ça, pour te faire comme, guys, c'est deux T. C'est-tu vraiment deux T? Oh oui, c'est vraiment deux T. Non, ça prend deux T, mon okay. Non, là, il s'écrit comme ça sur mes cartes. C'est un chiard, soit dit en passant, avoir deux T dans son nom, parce que personne ne retrouve jamais mon dossier. Mais bon, c'est ça, tu sais. Fait que là, je suis à ma pause, café, fume ma cigarette, là, j'ouvre la page, puis là, je vois ça, tu sais. Puis je me dis comme, Chris, c'est pas vrai que je vais faire ça, parce que là, la vidéo est rendue comme à 180 000 vues, là, ça commence à pogner, puis tout. Puis j'ai démissionné de ma job cette journée-là, puis j'ai fait, c'est pas vrai que je fais ce genre de buzz-là, puis que je vais retourner passer mon après-midi à nettoyer une foreuse pleine de marde puis me couvrir de boîtes. C'est pas vrai, je vaux plus que ça. Je suis rentré dans le bureau, j'ai fait « Hey, savez-vous quoi? » Je décalisse, puis je suis parti de là. Puis après ça, c'était un des pires choix de carrière de l'histoire de l'humanité, parce que moi, je considère que c'est vraiment cette journée-là que j'ai faite comme « Je me lance dans l'Internet, ça a l'air que il y a de quoi à faire avec ça. » Fait que là, t'as-tu une carte d'affaires genre profession Internet? Non, ou... c'est ça, parce que j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Moi, je connais pas Jay Saint-Louis, je connais pas Gabois qui, à l'époque, a mon point de vue, qui cartonne au max. Là, c'était qui, donc? Merzbich, Pelep, qui était là. Tu sais, là, les vieux de la vieille. Ouais. Murphy Cooper aussi. Kevin Brown. Kevin Brown, qui était... oui, c'est ça, le côté ésotérique de l'Internet, là, qui était là quelque part. Là. Attends, on peut-tu élaborer ésotérique? Ils sont dans un monde. Imagine un dude qui a trop abusé de speed, ça fait une couple de jours qu'il n'a pas dormi, puis il raconte sa philosophie de vie. Je vais en rester comme là. Comme Jean-Guylaine Gagnon. Ouais, mais il apprend moins dans... Je vais pas aller. Moi, c'est quand tu plugues des 2, 3, 4e dimensions, puis que tu t'en vas dans une galaxie, je suis comme, bah, pour vrai, là. La CD est bonne. Rendu là, t'écoutes Cosmos avec Neil deGrasse, puis. Il s'est calmé depuis, là, je veux pas en faire une tête de turc, c'est pas du tout ça le but, mais. C'est moi qui l'ai mentionné. Ça pour dire que, tu sais, j'avais aucune idée qu'il y avait une communauté du web, que ça existait des Ray William Johnson qui étaient là, qui faisaient de ça du web. Fait que moi, je décide de faire ça, de démissionner, mais j'ai aucune idée de comment faire de l'argent avec ça, qui allait voir, comment ça marche. C'était vraiment un move de graine, finalement, que d'avoir démissionné, parce que 6 mois après, une fois que mon chômage s'est comme terminé, ben un an après, j'ai comme passé un an après ça à essayer de resurfer sa vague. Il y a eu... parce que là, j'ai comme catché, c'est ça, tu sais, que, bon, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du pétage de coche. Ça a l'air qu'ils aiment ça, quand je pète des fuses, tu sais. Puis là, j'en ai fait une sur de la grève étudiante que j'ai regretté un peu aussi, mais que je recule pas sur mon propos qui était juste « Attaquez-vous aux bonnes personnes », mais que finalement, quand tu prends du recul, tu réalises que quand tu fais pas chier la population, ben il y a rien qui bouge parce que ça fait pas chier personne, finalement, tes moyens de pression. Fait que... Mais c'est de dire que ces espèces de prises de position-là que j'avais dans les débuts, c'était ultra sommaire, c'était ultra non réfléchi, émotionnel, puis tu sais, moi j'ai mon secondaire 5, je travaille d'une shop de forage. Je veux dire, niveau culture générale, là, c'est zéro plus une barre, tu sais. Puis de toute façon, je ressens pas le besoin de devoir faire attention. J'ai aucune idée c'est quoi, moi, dealer avec un public, avec des gens là, qui soudainement m'écoutent. J'ai aucune idée de comment ça marche. Fait que moi, c'est YOLO, ah ouais, on y va. Puis là, j'essaie de surfer sur cette vague-là pendant un an. Coupe d'affaires qui marche. Puis finalement, ça, je finis par faire comme, ben non, là... C'est pas un travail, là, faire des vidéos. Fait que j'ai décidé d'aller de retourner suivre une formation pour devenir arpenteur. Fait que j'étais bon en maths à l'école, puis je sais que c'était quelque chose qui était payant. Moi, je voulais aller travailler au BC, là, à Romaine, là, c'est chantier, puis être arpenteur, puis bon... Fait que j'ai commencé ce cours-là, puis là, entre-temps, je faisais toujours des petites vidéos, puis là, bon, il y en a une que j'ai peut-être un peu dérapé, parce que, tu sais, le web, quand t'as pas vraiment aucune conscience, t'es comme la seule barrière qu'il y a, c'est toi-même, finalement, tu sais, puis quand quelqu'un te dit pas qu'il y a des limites, ben t'es pas au courant qu'il y a des limites, puis il y a des crises de grosses chances que tu finisses par les franchir, ces limites-là. T'sais. Le pays sans te couper, hein, je pense que c'est exactement quelle oui, vidéo que je m'en tu, vais avec ça. Ben oui, mais c'est, que... ça a été une limite incroyable que j'ai franchi. Je l'ai appris à mes dépens, j'apprends de mes erreurs, j'en suis sorti grandi de cette expérience-là. Mais bon, je fais une vidéo, parce que c'est une revue de fin d'année, tu sais. Puis c'est juste de la vulgarité gratuite, puis je souhaite des énormités à du monde que les gens aiment, là, tu sais, des figures publiques, puis je me dis, moi, je trouve ça drôle de souhaiter un cancer à Ginette Reno, parce que personne, il souhaiterait ans, de cancer ça, à Ginette Reno, tu sais, fait que là, je lance des énormités de même, puis je finis avec, et je souhaite à tous les politiciens corrompus qu'il y a un malade mental qui rentre à l'Assemblée nationale, pis qui vous tire avec un gun. Je finis la vidéo de même et je crée ça en ligne. Merci, bonsoir. Puis y avait-tu de quoi, quand tu l'as fait, y avait-tu un moment où tu t'es dit « Ça se peut que ça tombe mal sur l'Internet. » Jamais là. J'ai pensé 30 secondes c'est vraiment que ça pouvait déraper. Moi, dans ma tête, c'est Internet, on fait ce qu'on veut, skies is the limit. Mais je pense que l'affaire que c'est que l'Internet est quand même, de nos jours, supervisé par les médias extérieurs, par les... Et surveillé par les médias extérieurs. Ouais, ouais. Ce qui fait que ça devient ultra payant quand il y en a un de nous autres qui finit par déraper parce que ça fait vendre en crise. Yeah, exact. Le malheur est allé trop loin, il a souhaité tel shit. C'est quelque chose qui va amener énormément de clics pour le média. C'est pas qu'on est coaché, c'est qu'on est conscient qu'il y a un gestionnaire de communauté chez TVA Nouvelles qui fait refresh sur ma page à tous les 5 minutes juste pour attendre la quote qu'il va avoir sa nouvelle, tu sais. Ouais. Fait que je balance ça. Faites-vous tirer ma gang de calice. Puis c'est Luc Lefebvre, finalement, qui c'était un député pour Option Nationale, puis aussi il avait parti, comment ça s'appelait, donc, pas Wikileaks, là, mais Québec Leak, quelque chose. Wikileaks québécois. Ouais, Wikileaks là. Québécois, là, geek notoire, là, puis bon, il a décidé d'aller porter plainte à la police. Puis la police est venue chez nous, puis il m'a arrêté parce que j'ai fait ça. Tu sais, imagine la scène, là, t'ouvres la porte, moi, je suis chez nous, ça arrive ça dans le camp, ma mère est là, mon petit frère, on écoute un film, ouvre la porte, salut Monsieur Bonnet, vous êtes en état d'arrestation, veuillez me suivre, tu sais. Là, ma mère qui est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout le monde capote, lui, ma note dans le dos, puis je suis comme... C'était pas le genre de police qui te sort une radio, qui paye sa toune, puis là, il commence à se déshabiller. Ouais, là. Non, pas du tout, là. Tu sais, okay. C'était très dramatique. Puis là, j'étais comme, ben voyons, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, la police veut pas trop me parler, me dire qu'est-ce qui se passe, parce que là, ils veulent attendre que j'aie peut-être un avocat, ils veulent pas, bon. Fait que là, j'arrive au poste, tu sais, puis je me ramasse dans une salle... comme dans un film, là, avec un miroir, là, que tu sais très bien qu'il y a quelqu'un là, du monde en arrière qui te watch. Là. Puis là, il y a un inspecteur qui est comme, fait que c'est ça, tu veux-tu que Ginette Renault meure? Tu connais-tu Claude Poirier? T'as-tu des guns? T'sais? Puis là, j'étais comme, voyons donc, est-ce que tu sais? Fait que la police, finalement, a bien vu que, tu sais, il y avait rien de... J'étais juste un cave, là, que j'étais pas un cave armé, là, tu sais, que c'était juste un move de graine. Fait qu'ils m'ont relâché, mais j'ai quand même eu une date de procès pour ça. Fait que là, moi, je sors de là, puis je suis comme, hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis là, moi, j'ai comme une espèce d'agent, là, c'est un gars qui était venu me voir à l'époque où ce que mes vidéos avaient commencé à marcher, qui était comme, je pourrais peut-être t'aider, gérer ta carrière, puis tout. Fait que là, moi, je l'appelle quand je sors du poste de police, je suis comme, hey, y a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, comme, faut en parler, on envoie un communiqué de presse. On avertit les médias que ce qui est arrivé, ça va être la bonne pub. Là, je suis comme, t'es-tu sûr que ça va être la bonne pub? Et oui, c'est... Fait que je suis comme, OK, tu sais. Puis là, il envoie un communiqué de presse pour parler de ça. Écoute, le lendemain matin, là, c'était le pseudo-humoriste débutant, Mathieu Bonnet, va trop loin, quel dégueulasse. Puis là, il y a toutes les hosties de folles de ma tante qui sont comme, ça a pas d'allure, tu sais. Puis là, toute la journée, puis moi, tu sais, moi puis Dean, on est comme, hey, ouais, on fait ça, les médias parlent de nous autres, une controverse, tu sais. Puis je me souviens, hostie, le soir, j'étais chez eux, puis on met ça à Fabie la nuit. Puis Jacques Fabi commence son show avec « Alors, on va vous parler du pseudo-humoriste débutant Mathieu Bonnet qui a souhaité un accident de voiture à Claude Poirier, qui est mon ami, qui a arrêté de fumer. On le salue d'ailleurs. Alors, on ouvre les lignes. Que pensez-vous de Mathieu Bonnet? » Puis il ouvre les lignes, tu sais. Puis là, ça commence et comme « Mathieu Bonnet devrait se faire arrêter pour toute la vie. Il devrait plus avoir le droit de se prononcer. » Puis là, moi, j'étais avec mon agent, puis là, on est crampé. T'as pas le goût de dire. Ben, c'est ça. À un moment donné, j'étais comme « Hey, j'appelle. » Puis je me démolis moi-même, tu sais. Fait que j'appelle Fabi, j'ai été capable. T'as fait fuck off, go big or go home. Ça a toujours été le mot d'ordre, puis même avant cette espèce de pseudo carrière publique là que j'ai, je me suis toujours crissé, tu sais, de ce que les autres peuvent bien penser de moi, de ce que j'ai l'air. Ça a toujours été, moi ça me tente de faire ça, j'ai le goût de faire ça, ben je le fais, puis suivez pas, j'en ai rien à battre, tu sais. Fait que moi je suis comme, hey, j'appelle, je finis par pogner la ligne, puis je te beurre ça, Mathieu Bonnet, c'est le pire des hosties de trou de cul du monde entier. Puis ça, c'est à cause de l'éducation de ses parents. C'est de leur faute si c'est un étron. C'est ta mère à côté de toi pendant que tu dis ça. Non, mais trois jours plus tard, j'ai vu mon père, puis je l'avais jamais vu décrisser de même, tu sais. Puis là, il me compte. Parce qu'eux autres, tu sais, il y a ça aussi dans cet apprentissage-là de... tu sais, moi, autant que j'apprends à vivre avec l'espèce de game public, ça dépasse un peu le virtuel, puis que là, c'est dans le réel, c'est dans les journaux, mais autant que mes parents aussi, tu sais, étaient pas préparés à ça, puis tu sais, je me mets dans la peau de ma mère ou de mon père d'ouvrir le journal, faire comme « Mathieu Bonnet souhaite un cancer, c'est un étron », t'es comme « Chris, pauvre maman, tu sais, je m'excuse », puis c'est ça, mon père, lui, il écoutait tout le temps Fabi, puis il est parti à voir parce qu'il dit « Il y a même quelqu'un qui a appelé pour dire que c'était à cause de tes parents », puis j'étais comme « Je m'excuse, c'est moi qui ai appelé, tu sais ah, ». C'était moi qui avait dit ça, tu sais. Fait qu'il y a eu cet épisode-là où ce que ça a vraiment été pour moi un « OK, il y a une limite. » C'était un peu un dérapage, un peu. Là, c'était un total dérapage. T'as comme touché les murs de cette machine-là. J'étais allé jusqu'au au fin fond du légal, en fait. En bout de ligne, ça a été un bon coup de pub? Ben, ça a été correct, là, mais honnêtement, je pense pas que d'utiliser la controverse pour faire valoir quoi que ce soit est une bonne idée. Tu sais, il y a bien des artistes ou des gens qui s'imaginent que de créer des scandales, ça va être avantageux, ça va être bon. Si c'est bien fait, on peut en tirer profit, mais si c'est juste de chercher le trouble puis de faire de la merde, c'est jamais bon. Il y a jamais du bon qui va sortir de là. Ça se peut pas. Mais si c'est bien fait, c'est bien buildé, tu sais, des petits scandales de... Un Sugar Sammy, mettons, tu vois ça comment? Ben, c'est écœurant, ce qu'il a fait, là. C'était bien monté. Le gars a eu une incroyable pub pour son show, puis ça y a rien coûté, là. Oui. Tu sais, ça y a coûté fuck all, avoir l'exposure qu'il y a eu, puis tout ça parce que on était frustrés qu'il nous bave un petit peu, tu sais. À quel point on a embarqué dans le game, puis on y a donné exactement ce qu'il voulait. C'était du génie, cette campagne publicitaire-là. J'ai rien à redire là-dessus, tu sais. Fait que quand c'est bien fait, c'est bien buildé, oui, mais faire de la controverse pour faire de la controverse, c'est jamais une bonne idée. Jamais, jamais. C'est comme le... Je me souviens plus le nom du bar à Québec, là, qui avait des noms de bière, là. Ouais, ouais. Je pense qu'il avait mis des têtes de Barbie, là. Pour la bière à fût, là, puis je me souviens plus comment ça s'appelait, mais je sais que c'était comme une bière qui s'appelait Ma grosse crise de salope et compagnie. T'es comme, hey, tu sais, pour vrai, là. Mais j'en ai une pas pire pour te forcer, là. Parlant de bar, là, il y a eu le Nacho Gate aussi, il y a une couple d'années. Oui, où Nacho avait pris un meme d'Internet. Puis là, c'est là qu'on a vu un clash culturel où la culture d'Internet s'est retrouvée sur un panneau dans la rue. Et là, t'as eu le monde qui sont pas habitués de dealer avec ça, qui ont fait comme. Ah, oh, mon Dieu, hey. Puis culture du viol, parce que c'était avec du chloroforme, là, c'était ça la joke, là, je me souviens plus des mots exacts, là. Tu sais, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient choqués, puis on peut pas toujours être tous d'accord, puis faire tout le temps comme, tu sais, c'est correct, y a pas de problème avec ça. Tu sais, je serais très, très mal placé pour en parler, pas plus tard que v'là 20 minutes, j'ai pété une fuse sur le journal de Montréal parce qu'ils servent du suicide pour promouvoir quelque chose. Je veux dire, c'est simple, c'est normal de se choquer, mais moi, ce qui me dérangeait, c'est de voir qu'il y avait une certaine branche du féminisme radical qui se vantait qu'il y ait des vitrines de pété au Nacho Libre. Ils ont même incité les gens à prendre action. Oui, prenez action. C'est arrivé de Reti en plus. Là, on a le Bobby McGee qui a eu du drame. Ça, même, là, il est allé se défendre sur... Oui, Schlag. Ben, on s'entend, il se défendait plus ou moins bien. Ouais, là, c'était un peu un maladroit. Mais les vitrines brisées quand même, c'est arrivé. C'était comme... Je veux dire, t'es comme... Regarde, t'es capable de... Comme oui, le gars, c'est un cave. Puis il s'est pas bien défendu. Parce qu'à un moment donné, elle est où la limite? À un moment donné, là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pète tes vitrines, t'es pas d'accord. Tu viens quoi, MC? Ah, genre, mais si, ça arrête tout ça. Petit aparté, on mentionne sur le chat que le nom du bar est le Corsaire. Oui, le Corsaire. Puis apparemment, qu'il aurait sorti une bière par la suite portant le nom Controverse. Hey, ça marche bien ces chats-là quand il y a plus que 100 personnes. Ça va bien. Ça a du sens. Mais ouais, j'avoue aussi que je m'étale un peu là, sur mon historique. Là. Je suis allé beaucoup trop loin. Là. Je vais couper ça à chain ça pour ce qui est de la fin d'évolution. Fait que Fait que c'est ça, j'ai connu les limites-là. Puis là, ben, suite à ça, je suis déménagé à Montréal, chez Mathieu Saint-Onge. Puis ensemble, on a vraiment commencé à travailler. Mathieu, c'est pas mal l'initiateur de mon espèce de soif de lire, de me renseigner un peu plus, de me cultiver un peu plus, de mettre un peu plus de travail dans mes trucs. Il m'a fait découvrir... En fait, il m'a donné le revers de la médaille. Il me dit, tu sais, ça, c'est graine quand tu dis ça. Ça, ben, tu penses ça, mais c'est ça, puis ta-ta-ta, puis va plus loin là-dedans. Puis il m'a poussé à réfléchir beaucoup plus loin que ce que je faisais au début, qui était que simplement véhiculer de l'émotion de surface sur des sujets populaires. Fait que ça a commencé là, pis c'était plus ou moins payant, j'étais vraiment dans la grosse merde, puis mes revenus principaux, c'était principalement les shows que je faisais avec Saint-Onge et avec Gabrois dans le cadre de son show Erreur 404. Okay. On en faisait une semaine, puis il y avait 150-200 personnes qui venaient nous voir dans les salles. Fait que, c'est quand même un bon turnout, ça. Ouais, ben c'était écœurant. Puis ça, c'est un autre à côté du web qui est... tu sais, on m'expliquait un peu comment les humoristes qui utilisent très mal le web font pour... tu sais, sont produits par Evenco, sont produits par des grosses boîtes de prod qui se prennent un pourcentage énorme. Puis en bout de ligne... Ces humoristes-là qui... Puis je parle pas des Martin Matt, Louis-José Houde ou ce que autres ont leur propre compagnie de prod. Ils en font du gros cash. Mais des Jérémy Demé, des Mariana Mazza, des gens qui viennent de sortir de l'ombre mais qui ont pas encore le statut de humoriste notoire, ouais, célèbre et populaire. Là, ils finissent par faire le salaire UDA aussi quand ils font des shows. Puis des fois, c'est des shows là, devant 1000 personnes, là, t'sais, à 20, 30, 40 pièces du billet. Puis le salaire d'un UDA d'un humoriste, je pense, c'est 320$. Je suis comme, Chris, je fais plus que ça quand je remplis une salle de 100 personnes au Troquet à Gatineau. Là, ça n'a pas de crise de bon sens. Mais parce que moi, c'est ça qui est intéressant de cette page-là de 133 000 personnes, c'est que c'est un panneau publicitaire incroyable où ce que là, je peux m'autoproduire moi-même, faire mes propres trucs, puis pas me faire prendre 85% des revenus. Il y a bien des humoristes américains qui font ça aussi. Là. On parle des Chris Hardwick, des choses comme ça. Les autres, ils ont leur show, ils ont leur tribune, mais ils passent la moitié du temps de plugger leur live show. Là. C'est là où ben oui, ça se ben passe. Oui, ben oui, exactement. T'sais. C'est ça. Quand j'étais avec Saint-Onge, c'était principalement ça. C'était pas super payant. Il y a eu Le Voir qui m'a approché, j'ai travaillé pour eux. Simon Jodoin m'avait demandé de faire exactement ce que je faisais, des petites vidéos, puis il m'avait demandé de pas trop écrire parce que je faisais des fautes de français, on a pu finir, ça aurait été une catastrophe sur Le Voir. J'ai fait une couple de vlogs pour eux autres, eux autres par exemple c'était payé aux 3 mois. Qui payait les gens. T'sais. Fait qu'aux 3 mois, j'avais peut-être un 500-600$ qui rentrait. Fait que t'es comme... Hey, pour vrai, là, des épiceries au Dollarama, puis des semaines sodium, complètes... Ça ah ouais. Ça, puis du beurre de peanut à cuillerée, là, j'en ai mangé en esti pendant un an où ce que j'étais avec Saint-Onge. Puis... Fait que dans le fond, là, t'sais, souvent, là, les questions qui reviennent, puis la compréhension de ces gens-là... T'as bavé pour te rendre où t'es, puis c'est pas glamour, là. C'est pas. C'est un parcours quand même. T'as bûché pour te rendre là. Ben, puis en même temps, je peux comprendre parce que j'en parle pas vraiment souvent parce que je considère que c'est pas. Tu sais, les gens pensent que j'ai allumé ma webcam, j'ai fait calice, tabarnak, Chris, puis boum, 130 000 personnes qui me suivent, je gagne ma vie avec ça, tu sais. Ben non, puis c'est pas rien que ça, mais c'est que de rester sur cette vague-là, de surfer sur cette vibe-là, puis s'arranger pour pas qu'elle finisse, pour pas que ça arrête. Hey, c'est du travail temps plein, là, de lundi matin, 5h30, à dimanche soir, 11h30, là, non-stop, puis tout le temps, puis 23 sur 24, puis tu manques un buzz ou une occasion de parler ou de faire de quoi, ben, c'est fini, t'es plus là, puis là, ben, là, t'essaies de faire des statues, t'essaies d'entertainer le monde, t'es comme, hey, pour vrai, là, puis surtout, là, avec le reach de Facebook qui devient de plus en plus pis dégueulasse. Ils ont coupé l'organique, là, en plus, je pense, on est rendu sur les sur les fanpages, là, c'est faut que tu payes pour de la visibilité, t'as pas le choix. Ben oui, faut que tu payes, puis sur les comptes perso, au moins expliqué, il y a une rumeur, puis ça a l'air plus ou moins plausible que là, présentement, Facebook est en train de refaire pas mal leur algorithme, leur interface, parce que les vidéos Facebook vont devenir payantes. C'est-à-dire que moi, en principe, d'ici une couple de mois, je vais pouvoir devenir partenaire avec Facebook, puis faire la même affaire que je fais avec YouTube. Ils ont commencé à montrer les views. Oui, ils ont commencé à montrer les views. Ça, je me suis dit que ça rapport, c'est la même. Mais ils les ont enlevés dernièrement. Il y a une semaine ou deux, on voit plus les views en dessous des fois. Je les vois encore. Ce qui est bien là-dedans, c'est peut-être juste mon téléphone, dans le fond. Mais c'est toujours ça. Tu n'avais pas dit qu'ils sont là ou ils sont pas là. Je ne veux pas le dire live non plus, mais je ne veux pas qu'ils le fassent. Mais d'un autre côté, c'est justement la monétisation arrive sur les vidéos YouTube. Les utilisateurs de téléphones mobiles vont être tes meilleurs amis parce que les vidéos partent automatiquement dans le feed. Ben oui, c'est ça. Fait que ça, le vidéo, il part. Let's go. C'était une view de plus. Mais tout ça pour dire que... Je sais pas vous autres, mais moi, présentement, le reach est pratiquement mort. Il y a des fucks dans le nombre de likes, dans le... Il y a des affaires que je partageais là une couple de mois. Là, je savais que c'était pour être du 4-5 000 likes là, là-dessus. Puis je partage ça, c'est du 175 likes. Puis c'est ça aussi qui vient dans ce travail-là que les gens comprennent plus ou moins le... L'analyse. Moi, je suis en third party avec quelqu'un qui ne me connaît pas, puis avec quelqu'un que j'ai jamais vu, puis que je verrai jamais de ma vie. Puis là, ben, c'est de guesser, est-ce que ce que je viens de publier, ça l'intéresse pas les gens? Est-ce que ce que je viens de publier, c'est pas bon? Est-ce que ce que je viens de publier ne fonctionne pas parce que, présentement, il y a un problème de reach avec Facebook? Est-ce que ce que je viens de publier fonctionne pas parce que là, présentement, on est lundi soir, qu'il y a une game de hockey, qu'on est en fin de session, qu'on est l'hiver, qui a fait un temps de cul aujourd'hui, qu'il y a une tempête, que le monde sont décalissés puis on n'a pas le goût d'entendre de ça? T'es comme, c'est de la remise en question 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis là-dedans, c'est que t'as ton... Chris, c'est personnel, là. C'est du moi-même que j'autoproduis, que je mets. Fait que là-dedans, faut que t'essaies de te départir, de dire non. Ce qu'il y a sur Internet, c'est un produit. C'est un produit que je vends. C'est pas moi-même. Parce qu'à un moment donné, Chris, j'ai une santé mentale à préserver. Là, si je commence à m'arrêter à lire tous les commentaires négatifs qu'il y a puis de le prendre personnel, ça ferait 2 ans que je me serais tiré une balle dans la tête parce que ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que t'as tout ça à gager puis d'essayer de publier le plus possible pour rester présent. Puis, ce qui reste le plus payant, c'est le partage de buzz. T'sais, moi qui va parler d'un shit politique en criant puis en sacrant versus un hélicoptère qui se crache dans un building sur mon site Buzz Bonin, c'est ça qui va avoir la cote, c'est ça qui va me rapporter du cash. Fait il faut que je dose égal aussi entre le... Faut que je partage de la merde sensationnelle qui va me payer, mais en même temps, faut pas que j'oublie que les gens me suivent pour mes prises de position, pour mes anecdotes de niaisage que je partage. Tu fais pas mal un peu qu'est-ce que tu disais que les médias faisaient tantôt. Là. Dans le fond, t'as le community manager qui refresh pour pogner la merde de Bonin, puis eux autres, je pense qu'ils ont les mêmes approches aussi. Là. C'est combien de merde sensationnelle que tu mets. Oui, je suis d'accord avec toi. Reste qu'il y a, je crois, une manière d'approcher ça puis d'en parler. T'sais. Moi, mettons, la vidéo de l'hélicoptère qui se crash, je vais faire comme « Hey, shit, voici un hélicoptère qui se crash, fin. » Puis je partage la vidéo. Mais moi, oh mon Dieu, c'est incroyable, vous n'en croirez pas vos yeux, cliquez ici pour voir la suite. Puis là, tu cliques, t'es comme, il y a une manière de faire ça sans être comme... Donner une top 5 accidents d'avion, t'en viendras pas, clique ici pour voir c'est quoi la première. C'est un top 5, fait que c'est 5 pages à cliquer. Tu sais, il y a une manière de me partager ça, puis il y a une manière de faire ça, puis tu sais, j'invente rien, puis c'est une recette qui existe déjà, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est parce que tout le monde va sur Reddit, là, tu sais, personne qui a rien, tu sais, tout le monde le matin, là, autant Journal de Montréal que moi, que PPG, on va sur Reddit, on est comme, bon, c'est ça qu'on va partager. Probablement, quand les gens vont catcher ces crowd Reddit, on va perdre nos jobs, parce que ils vont les voir direct dessus, les gens comprennent c'est pas. C'est des places comme Connerie QC, des choses comme ça. Le monde veut juste pas aller voir ça, Reddit. Non, mais c'est trop compliqué pour le monde. C'est trouver des posts de Reddit qui sont traduits en français. Ce que j'ai vu hier matin ou ce matin, ben puis oui, à un an d'après-midi, il est traduit, puis t'es comme, c'est pas de Reddit, ça, puis tu t'es bloqué, puis t'es mais gone. Mais c'est puis... intéressant ce que tu dis par rapport à Connerie QC, parce qu'on y reproche beaucoup de faire des shit traduits, puis que c'est pas du contenu unique, puis reste que la photo qui prend en anglais, puis qu'elle traduit en français... Cette photo-là, probablement, qui était sur un autre site, que quelqu'un a pris. Qui... C'est comme vraiment trouver la source de quelque chose sur Internet. Là, t'as besoin de te lever de bonne heure le matin. L'important, dans le fond, c'est de le faire. Tu le fais, tu sais. Le contenu est partout sur Internet. Fait que dans le fond, l'important, c'est le contenant. Puis, tu sais, c'est justement que le monde aille sur ton site pour. Puis, juste ajouter aussi à. C'est la même chose qu'à, mettons, un média sensation comme le Journal de Montréal. Reste que moi, la vidéo que je présente, c'est la vidéo originale de la chaîne YouTube originale de la personne. T'essaies très Journal fort de Montréal voir, ou TVA, c'est leur propre player qui embarque, c'est leur propre ils copient une vidéo pour la mettre sur avant leur la vidéo, chaîne. Puis c'est ils coupent la monétisation de ben YouTube oui, directement. Ben oui, autres, c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est dégueulasse de faire ça. Mais en même ça. Temps, on est en train de montrer que tout le monde a carte blanche. Là. On a une question de l'auditoire. Puis il y a Mr. GG Well Played qui dit « Je dois m'en aller bientôt. » Puis désolé de couper le flow de même, mais il aimerait beaucoup ça que tu dises « Excuse-moi, suce ma marde, Philippe. » Oui, évidemment, Philippe, suce ma marde. Ça a été un autre épisode aussi... Il y a eu un bout où c'était le sus ma marde gate, là, où je disais ça à outrance. C'était comme un catchphrase. C'était correct dans le temps que ça s'est fait, mais je referais plus ça là, aujourd'hui. Là. C'était cool sur le moment, là, mais à un moment donné... Écoute, il y a eu beaucoup de demandes là-dessus, puis je suis pas très au courant. Tu dis le sus ma marde gate, c'était une phrase qui revenait, c'était... Ouais, ben écoute, j'avais un t-shirt là, un moment donné, là, puis c'était sus ma marde, puis c'est juste que là, je pétais une coche, calisse tabarnak, tout bien, anyway, sus ma marde! Puis là, ça finissait de même, tu sais, puis c'était comme la quote là, qui finalement est un suck my shit là, qui a été traduit, là. Tout simplement, tu sais, j'ai rien inventé, ouais. Mais c'est juste que dans le gala Juste pour rire cet été, dans le gala des épais de Laurent Paquin, plein de monde me l'ont envoyé parce qu'à un moment donné, il y a une quote qui est comme, puis tu peux pas t'ostiner avec un épais sur Internet parce qu'est-ce qu'il venait par te répondre, c'est quoi son argument? Suce ma merde! Puis là, t'es comme, écoute, on est à l'apogée. T'as eu ton moment, finalement, là. C'est allé jusque-là, mais c'est pas... C'était une blague dans un sens. Puis je m'en souviens, quand je l'ai vu au gala, je fais... Écoute, moi, je suis curieux un peu, dans le fond, là, parce que là, on a parlé de ton parcours un peu. On sait maintenant t'es qui. Ouais. On sait un peu ça ressemble à quoi, le chemin que t'as parcouru. Le web au Québec, en fait, le web actuel, tu sais, les tendances, le fait d'avoir une carrière dans le web, l'ampleur, les répercussions, tu sais, qu'est-ce que ça peut prendre. Selon toi, le web, c'est quoi la tournure que c'est en train de prendre? Tu sais, là, tu me parles justement, en fait, tu parles à nos auditeurs que, tu sais, t'es un gars qui rinçait de la marde sur un rotoculteur, une foreuse avec une hose, puis là, t'es rendu, tu publies une vidéo qui génère des millions, ben pas des millions, mais des milliers de clics. Ouais. Qui se fait sharer par plein d'affaires. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le web actuel, dans le fond? T'sais? Est-ce qu'on est encore à l'étape où l'information provient de Wikipédia? Ou on se fait aux vidéos de Mathieu Bonin sur YouTube? Bon. Ben. Il y a beaucoup d'acteurs, quand même, qui participent à ce web QC-là. Je pense qu'on est encore à l'an 1. Surtout ici au Québec, tu sais, si je prends comme exemple la France, où c'est à des années-lumière de ce qui se fait ici, puis bon, démographiquement, c'est pas la même game non plus, là, c'est pas le même nombre de views, ce qui fait que des commanditaires comme, admettons, KitKat vont être plus intéressés à faire affaire avec un Norman fait des vidéos qu'avec un Kevin Nvekka là, ou un Phil Jones ici, là, qui, tu sais... Ou les deux jeunes filles qui nous expliquent la oui, les deux valeureuses je verrais pas Kit Kat comment dire. Expl... Oui, c'est ça, tu sais, hey, Tug Life, Kit Kat, là, tu sais, là, non, je suis pas ça. C'est quoi, l'autre canette de chocolat avec un zoom, un vieux B, puis le logo, tu sais. Ils disent, t'es pas toi-même quand tu manges pas une Snickers, puis tu vois, t'es con, man, c'est con, en tout cas. Fait concours de circonstances, c'est encore très petit. Puis je pense que le grand public méconnaît très mal le core de ce qui est le far web, tu sais. Puis les gens, tranquillement, pas vite, sont en train de faire, je crois, le switch entre se divertir avec la télévision puis entre se divertir uniquement avec l'Internet. Il y a de plus en plus de gens dans mon entourage qui me racontent qu'ils ont simplement... qu'ils sont désabonnés de la télévision parce qu'ils trouvaient que c'était un 79$ par mois inutile parce le cord que shaving dans le fond, contenu là. Qu'ils consomment est disponible sur tout.tv et puis TVA traîne de la patte avec ça puis même un peu tout.tv aussi là, leur plateforme est très discutable là, puis je veux dire le temps aussi de repartage, tu sais, comme moi je suis fan de parce que j'ai mon petit côté kitten comme tout le monde de Unité 9, tu sais, puis là, t'es comme Chris, Unité 9 qui tombe en ligne à minuit et demi. Ben non, là, les boys, quoi, là, qu'est-ce que vous faites, là? Ces gars-là, qu'ils commençaient oui, à hier. Oui, VTL aussi. VTL, qui sont très avant-gardistes là-dessus. Moi, je l'ai manqué, j'ai fait, ah, bah, ben, il est déjà en ligne. Fait que... Ben oui, c'est ça. Fait que ça commence aussi, les gens commencent à comprendre qu'on n'a plus vraiment besoin de la télévision. Fait qu'il y a une espèce de virage qui est en train de se faire. Reste que si on regarde globalement la qualité de ce qui se fait, puis je m'inclus là-dedans, c'est pas de shit, là, tu sais. Puis autant que moi, qu'un Phil Jones, qu'un n'importe qui d'autre, reste que, tu sais, c'est le front cam de mon iPhone, puis on est comme, ben c'est ça, moi, Chris tabarnak, tu devrais, je pense que, merci, share, partage, abonne-toi. T'sais? C'est le résumé. Tu devrais film, juste faire une vidéo que tu dis juste ça, puis ben oui, partager massivement. Fait que c'est, mais c'est que d'un autre côté, ça va avec, puis écoute, là, je veux pas... Mais tu sais, tu dis ça, là, y a-tu du monde que, justement, tu trouves qu'ils font de quoi d'original, différent, peut-être, au Québec? C'est pas nécessairement... exactement le résumé que tu viens de dire. Ben, tu sais, original, divertissant, Joe Roberge est un bel exemple de quelque chose que, tu sais, qui a réussi, mais reste que c'est pas tellement la même game. Je veux dire, il y a une équipe de tournage, de scripteurs qui est avec, mais d'une personne tout seul chez eux qui s'auto-produit tout seul de par lui-même, puis qu'à chaque fois que j'écoute, je suis comme, esti, ça c'est de shit, ça c'est parfait. Moi, c'est... non, c'est mais ça. Tu penses-tu que les outils vont devenir plus accessibles d'abord pour pouvoir permettre ça? C'est pas tant un problème d'outils, c'est un problème d'attitude, puis c'est un problème de culture. Quand même, si puis je l'ai fait là, puis je l'ai essayé là, puis quand tu commences à parler de quelque chose, puis que t'es réfléchi, que t'es posé, que ce que tu amènes c'est une réflexion, les gens s'en calissent. C'est pas ça qu'ils veulent. Comme là. Le hip-hop, dans le fond. Fait que t'es comme... C'est vrai, tu sais que c'est vrai. J'ai juste ri à comme le hip-hop, là, pour que c'est... Non, mais nomme-moi tout le bon hip-hop qu'il y a de quoi à dire, ça marche jamais. Non, je comprends, mais je m'attendais pas à cette comparaison-là, pareil. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, bon, mais je vais être conscient du marché auquel je m'adresse. Puis t'essaies de balancer ça. Ben dedans, oui, puis t'essaies de balancer ça, puis là, ben, à un moment donné, t'essaies de prendre des virages, puis c'est de... Tu sais, c'est de plus en plus difficile d'essayer de... Parce que, tu sais, je me regarde, v'là un an, les vidéos, les affaires que je disais, puis c'est des facepalm, là, à deux mains, ici, puis je me défonce le front, tu sais. Puis je suis comme... Mais les gens, c'est ça qu'ils veulent entendre, mais... Mais je trouve ça graine, tu sais, de péter le coche puis de faire ça, parce que c'est pas ça, tu sais. Puis là, si je veux vraiment traiter ce sujet-là, ben là, il y a plein d'éléments que je dois amener pour exprimer cette pensée-là, ce qui fait que, ben, c'est plus un pétage de coche, c'est une discussion. Yo, calme-toi, ben, là, il commence. Tu sais, fait que c'est, je trouve ça extrêmement difficile, mais c'est d'époque, puis ça va avec ce que les gens veulent entendre. Fait qu'à un moment donné, tu te poses la question à savoir... Je vais-tu être propre à moi-même, faire ce que je considère qui est vraiment quelque chose d'intelligent, puis d'avoir 500 personnes qui le regardent, ou tu te dis, je vais donner au monde ce qu'ils veulent, il va avoir 50 000 vues sur mes vidéos, puis Chris va pouvoir me faire une épicerie. Dans le fond, t'es l'espagnol dans Gladiateur. Le Is this not what you want? Ouais, c'est exactement. Are you entertained? Are you not entertained? Hey, tu sais. Fait que c'est ça qui est extrêmement mais difficile. Mais il doit avoir quand même une partie de vérité. T'sais, justement, dans le pétage de coche, dans le texte, t'sais, c'est sûr qu'il y a une partie de toi qui est là-dedans quand même. Tu vas pas à l'encontre de tes principes totalement. Non, plus. Tu choisis quand même de ce que tu parles. Ben oui. Il y a pas comme un « Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Record, c'est de l'hostie de merde. » Non, t'sais, je fais pas ça. Il y a toujours un fond de vérité. Reste que... Puis t'sais, au travers de ça aussi, c'est qu'à un moment donné, je suis quand même satisfait du résultat dans l'optique où ce que il y a plusieurs vidéos où je réussis à parler de politique aux gens, puis les gens les écoutent, les gens les regardent, puis il y a beaucoup de views, puis je me dis si je sacrais pas comme un esti de bûcheron, si je parlais pas avec une patate dans la gueule, les gens l'auraient pas écouté cette vidéo-là, tu sais, une vidéo de 5 minutes que t'es comme bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Pierre-Carl Péladeau qui a, ah non oublie ça, personne va l'écouter, t'es comme un moment donné, bon ben je mets de l'intensité, on met des sacs là-dedans, je parle le langage du monde, puis bon ben ça pogne, puis au travers de ça il y a un petit message. Il y a pas justement un politicien qui a partagé, c'était-tu un politicien il y a 2-3 jours, t'as fait une analyse de je m'en c'était tabarnak, Jean Lapierre. Jean Lapierre qui a repartagé. Mais Jean Lapierre, un libéral fini, puis là, je chie sur le PQ, fait qu'il est comme bon, on le partage. Mais ça montre que ces gens-là regardent quand même tes vidéos dans un sens. Ça, c'est for sure. Puis ça, c'est. Dans la dernière année aussi, là, tu sais. Puis ça, c'est via mon compte Twitter. Là, j'ai beau le délaisser, il est linké avec mon compte Facebook. Mais reste que, tu sais, là, à un moment donné, t'es comme, oh shit, ok, Guy Lepage me suit. Là, ok, quasiment la totalité des humoristes me suit, ok. Là, oh shit, des journalistes. Là, t'es comme, bon, j'ai une popée gang à Metz bon là, qui me suit. Là, fait que je vais. Tu sais, je vais aller lire un peu ce sujet-là avant de péter une fuse là-dessus. Parce que avoir l'air d'un épais devant Gisèle, c'est une affaire, là, mais passer pour un cave devant tout ce monde-là, c'est une autre histoire. Mais le pire, c'est ce que tu viens de dire, c'est un peu ironique aussi, parce que de notre côté, on avait l'auditoire qui disait voyons non, Mathieu Bonin va venir, il va péter une coche à votre émission. Puis nous autres, on a eu un peu ce que tu viens de dire là, on s'est dit hey, on a quand même Mathieu Bonin, le gars, il a quand même un following, il pète des coches. Faut qu'on soit rodé là. Fait que tu sais, on fait des recherches, des affaires de même, mais tu sais, c'était une appréhension qu'on avait basée sur des commentaires Facebook. Fait que tu sais, ben oui. C'est justement, tu sais, t'es là, on prend une bière ensemble, t'expliques, puis c'est sensé ce que tu dis. Puis tu sais, souvent, la question qui revenait de nos fans, c'est tu sais, est-ce que c'est un personnage? Est-ce que. Mais tu sais, à la limite, un personnage est souvent inspiré d'une personne, mais tu sais, ben t'as oui, une crédibilité évidemment. Quand même à avoir. Là. Mais c'est que le ça, c'est un autre élément aussi qui est très important. Le sarcasme, l'ironie et le deuxième degré sont inexistants sur Internet. Ça n'existe pas sur Internet. Les gens sont, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas si c'est parce que on n'a pas le ton de la voix puis l'expression faciale, mais les gens sont incapables de déceler le sarcasme et l'ironie sur Internet. Puis, quand tu regardes des émissions comme Histoire vraie ou ce que t'as Joël Legendre qui fait une mise en scène sur le fait qu'il organise des combats de chiens puis qu'il se fait démolir sur sa page Facebook, t'es comme Chris, on a l'air sur Internet de revenir à l'ère où ce que les gens se mettaient en veston cravate avec avant de s'asseoir bon devant la télévision parce qu'ils pensaient que l'animateur les voyait à travers la TV, tu sais. Fait que t'es comme il y a des gens qui s'imaginent que moi dans la vie là, je sacre à n'en plus finir, puis je crie, puis je t'insurgis sur tout. T'es comme, ok, guys, c'est correct, là, mais non, là, c'est un peu. Là, je dis, c'est un personnage. Fuck, c'est ça, c'est pas vrai, tu penses pas ça pour ta. T'es comme, mais non, tu imagines que tout ce que tu dis, c'est le contraire. Hey, eux autres, le quotidien de François Bellefeuille, ils doivent capoter là-dessus à ce moment-là, en voyant le personnage, ben, en se disant, il est de même à maison. C'est niaiseux, mais le monde, il crie réellement faux con, aussi, à longueur de journée. Et je suis allé le voir en show, puis il l'a dit, là, la dernière fois, il dit non, je ferais pas être joke là. Genre, le monde, il crie ça dans la rue. Hey, t'en faut quoi? J'imagine si lui se fait crier ça, quand quelqu'un comme toi, il y a des comportements peut-être exagérés dans les vidéos, mais c'est pas un petit faux con, là. On s'entend que c'est ben plus non, terre c'est à terre. Ben oui. C'est quasiment sûr que le monde va penser que t'es de même tout le temps. Ben là. Oui, ben oui, ben c'est ça. S'ils pensent que l'autre est vraiment un faux con, en tout cas, ça ben montre la réflexion qu'ils ont guys, des fois. Pour vrai, là, non, là, tu sais, mais c'est moi, je suis ben chum avec l'humoriste Alex Douville, tu sais, puis ouais. J'ai fait une couple de vidéos, là, il m'a invité à faire sa première partie, puis il me l'a expliqué, tu sais, ce que je fais, c'est pas... Oui, c'est de l'humour. Ben, je fais un peu de tout. C'est vraiment... Puis ça, c'est un travail que j'ai entrepris ces derniers mois de faire comme... Bon, là, faut que je commence à voir ça comme une business. Faut que je commence à voir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que les gens veulent, puis comment je le vends, ce que les gens veulent via ce que je fais, tu sais. Puis Chris, qu'est-ce que je fais? Je suis tellement éparpillé. Je fais tellement de c'est tellement, tu sais, autant où c'est des prises de position, autant que des fois, c'est des je suis un clown, autant que t'es comme... Puis là, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal que je sois autant éparpillé? Parce que les gens aiment bien nous mettre dans une boîte. Toi, t'es-tu un chanteur? T'es-tu un humoriste? T'es-tu un... T'es quoi, toi? Ouais, tu sais. Là, t'es comme, mais Chris, moi, je suis quoi? Je fais quoi? Je suis Mathieu Bonin, calice. Mais là, explique ça au monde. Est-ce que tu t'es enflé? T'es comme, bon, OK, on oublie ça. Ça sera pas ça. Fait comment je fais ça? Puis Alexandre, il me l'a bien expliqué. C'est que moi, en fait, ce que je fais, c'est de la caricature. C'est une caricature. J'exagère. Un état d'âme, une émotion que je vais avoir. J'exagère les comportements que les gens ont. Fait que c'est de la caricature, ce que je fais. Fait que là, ben, mets ça en marché. Bonne chance. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est toujours à refaire. Puis c'est exactement la même chose qu'un artiste. C'est que je bénéficiais de l'espèce de d'effet de nouveauté l'année dernière, l'année d'avant, parce que là, j'apparaissais dans le paysage, je faisais des affaires, les gens n'étaient pas habitués, mais là, je suis là, je suis dans le décor. Fait que là, mon travail, c'est de me réinventer, qui est exactement le même travail que n'importe quel artiste qui est établi, ça, réinventer. Puis ça, Chris, c'est pas facile. Parlant de se réinventer, dans le fond, là, j'imagine, au fil des années, au fil du temps, tu dois avoir des décisions où tu te dis, calisse, celle-là, j'aurais pas dû, ou bien, hey, celle-là, j'ai vraiment bien fait. T'sais, si t'avais à nous dire, mettons, là, ton pire et ton meilleur coup, ça serait quoi? Super cliché comme question. Ouais, non. Mais l'arrestation, c'était quand même un pire. Ouais, ça, c'était dans les pires, mais c'était pas tellement une décision. C'était plus de... C'était une inconscient. J'étais inconscient quand j'ai fait ça. C'est pas une décision que j'ai prise de, bon, voici ce qui va arriver si je fais ça. Je prends la décision de le faire quand même. Je dirais que la meilleure décision que j'ai prise 2013, c'est d'avoir accepté de faire le Zoo Fest. Moi, je reçois un appel à un moment donné, puis je me souviens, un an avant, j'avais rencontré les Du Rocher, tu sais, puis ils m'expliquaient que Chris, t'as mal fait d'avoir démissionné de ton cours d'arpentage, t'aurais dû continuer là-dedans, c'était pas sûr que tu vas aller quelque part avec ça, puis... Puis un an, jour pour jour, après, ils m'appellent puis ils sont comme, hey, tu veux-tu faire un 60 minutes au Zoo Fest? J'ai rien de préparé, j'ai rien d'écrit, j'ai jamais fait ça, moi, 60 minutes d'humour dans ma vie. Puis j'ai fait un, ouais, c'est correct, je le fais, tu sais. Puis là, je raccroche puis je suis comme, Chris, c'est dans 3 mois, là, puis j'ai pas de 60 minutes d'écrit, qu'est-ce que je fais? Hey, puis surtout, un 60 minutes, là, tu sais, il y a bien des humoristes qui disent, hey, ça, j'ai travaillé là-dessus un an. Ça prend un an, écrire ça, trois mois pour écrire ça, puis ben, c'était super facile parce que c'était, mon humour est surtout anecdotique, tu sais, fait que j'ai pris 5 anecdotes de ma vie, puis j'ai les ai rebuildées, puis j'en ai fait des histoires, puis bon, puis ça a tellement super bien été. Puis moi, le meilleur commentaire que j'ai eu, c'est un commentaire d'Éric Sanson, qui est gestionnaire de communauté pour Urbania, là, érudit de l'intelligentsia québécoise. Qui là, n'accepte pas ma friend request depuis 4 ans. Fait que il était venu me voir en show, puis il m'avait avoué qu'il était venu me voir pour me détester, puis il m'avait dit ça me fait chier parce que je peux pas détester ça, c'est t'es bon, bon, Chris, ouais. C'était bon, tu sais. Puis tu me fais chier. Puis ça avait fini là, tu sais. Est-ce que c'était comme... apte pour un gala juste pour rire? Ah, non, non, non. Jamais, jamais. Écoute, j'ai une anecdote. C'est 15 minutes de temps. Je raconte la fois où on a commandé des putes, moi pis mon chum. Là. C'est officiel que c'est pas matière à gala. Puis de toute façon, plus que ça va, moins que je suis intéressé de participer à cette machine-là. Ouais, à cette machine-là, exactement. Si tu permets, Mathieu, oui. on a une question. Puis sens-toi à l'aise, garde, c'est une question qui vient d'Internet. On a Beat My Mind qui dit « On a appris entre les branches qu'apparemment tu n'aurais toujours pas été rémunéré pour le Zoo Fest. Les gens se demandent, puis la question est revenue deux, trois fois, où en est l'histoire, dans le fond? Ça s'est réglé. Ça s'est réglé pas longtemps après que j'ai... écrit le fameux statut parce que, bon, coïncidence, je ne crois pas, mais ça s'est fait. Puis je sais que c'était pas... Il y a eu la relationniste de presse du ZooFest qui était venue m'écrire pour me dire que c'était un des pires moves de graines de l'histoire de l'humanité que d'écrire ça en privé. Puis probablement que je me suis fermé énormément de portes en ayant écrit ça, mais c'est que le problème... Puis je l'ai vraiment fait et c'était vraiment assumé suite à beaucoup d'histoires. Puis je vise pas le Zoo Fest en particulier, mais des histoires où ce que les artistes sont pas payés, où ce que les artistes sont sous-payés, où ce que c'est... Puis il y a personne là-dedans qui ose se lever, qui ose le dire, parce que justement, si je revendique quelque chose, que je fais un peu de vague, là, je vais perdre des contrats, ben là, ils m'appelleront plus. Move, ben, tout le monde a peur. Puis je suis pas en train de dire que j'ai pris le flambeau, là, puis que je suis en avant de cette espèce mais de... Mais t'es parmi d'un mouvement qui a pas le choix, qui va aller contre ça. Mais parce que moi, c'est ça que j'ai... Quand tu parles à des gens... un peu dans le système québécois pour ça. Ils ont toutes peur de brûler des ponts. Ben oui, tout c'est le monde ça. Se ferme à la gueule. Puis c'est en même temps... En même temps, je trouve que c'est une de mes forces puis une de mes faiblesses. C'est que moi, j'en ai rien à chier que le Journal de Montréal c'est m'appelle bon, jamais ça, pour ouais, une entrevue. Ouais, ça, je me ferme bon, énormément de portes puis probablement que je vais devoir rusher deux fois plus. Mais moi, je pense que de toute façon, toutes les portes qui ferment que tu parles, il y en a mille qui ouvrent. Il y en a d'autres qui s'ouvrent probablement. C'est de même ça que c'est le nouveau médium. L'intégrité vend plus en bout de ligne. Tu sais, puis la sommité de tout ça, c'est... tu sais, je regardais la vidéo d'hommage à Julie Snyder là, qui a été, elle l'a partagée sur sa page Facebook aujourd'hui, tu sais, puis où est-ce qu'on la voit là, récompensée de tous ses exploits, puis c'est la sommité là, de la complaisance, puis de hey, on est ben chum ensemble, fait que t'in, tu vas être à telle place, puis là, hey, c'est Lynn, puis tu sais, là, c'est le c'est cette petite bourgeoisie là, de qui est comme là. Ah, on célèbre ça là, à n'en plus finir, puis on est donc bien fiers puis contents, puis à quel point c'est comme c'est fake, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas ça. Moi je fais un high five parce que et voilà, je te connaissais pas merci. trop, voilà, là, c'est dit. Puis man, je tombe en amour, c'est pas no homo là. Merci, tu sais, mais c'est que tu sais, d'avoir le temps d'exprimer ça, tu sais, jamais non plus je serais game de faire imagine une vidéo de 3 minutes, je fais comme hey, pour vrai, Julie Snyder, va non, chier mais, que ta remise de titre. Je te comprends quand même. Je me fais descendre. Je pense qu'on comprend le point quand même. Voilà, on le comprend très très très bien. C'est tout ce minding-là qu'il y a en arrière. Puis ça, je trouve ça juste dommage des gens comme j'oublie déjà son nom là, de Trash tes papilles. Là, c'est Francis, tu sais, qui vient écrire tantôt que je suis une des raisons de pourquoi que. La société s'abrutise, puis que je suis le porte-étendard de l'idiocracy, puis je suis comme Chris, esti, il y a tellement une pensée, un background en arrière de ce que je fais, mais c'est qu'à un moment donné, esti, j'ai pas le choix de donner au monde ce qu'ils veulent, sinon je vais aller me trouver un job, puis je vais nettoyer des foreuses, puis de temps en temps m'en faire une vidéo, c'est pas ça que je veux faire, tu sais. Ouais. C'est pas ça que je veux faire, j'ai pas le choix à un moment donné de tomber dans cette espèce de populisme-là. Tu dis ça, puis en même temps, moi je parlais, je me suis même puqué la dernière fois, on parlait de toi dans un sens, pas de toi, mais toi et tes followers. Puis là, je me souviens, j'ai sorti, j'ai dit, Chris, sont où ces 130 000 à cette petite personne-là, genre? Puis pas parce que, pas de façon, je crois pas que t'es ça, ouais, ou quoi, mais je veux dire, tu tu sais, je m'attends pas à avoir le même reach que toi, mais quand je pose de quoi, des fois, ou je fais Chris, il me semble que c'est tout le temps le même mot du monde, même quand c'est public ou quelque chose. Puis je me dis, Chris, il y a 130 000, il y a comme 125 000 autres personnes que moi, je n'ai aucune astuce d'idée d'où c'est qu'ils sortent, qui te suivent, genre. Mais, puis je suis comme, faut que tu les ailles toucher, là, ce monde-là, un moment donné, pour qu'ils aient décidé de te follower. J'ai eu ce clash-là parce que. Tu sais, la différence entre faire des médias, participer aux médias traditionnels, faire de l'humour de scène versus faire du web, c'est que tu n'as pas de contact physique avec ton public. Reste que c'est un chiffre qui apparaît sur ma page Facebook et c'est tout. Tu sais, c'est un chiffre en nombre de likes. Hein. Tu le réalises pas, ça. Puis moi, cet été, je suis allé à faire le tour de la Gaspésie avec Gab Jonca, Miro, ouais. Vincent, puis Martin de Chris C'est drôle, tu sais. Puis à un moment donné, on est sur... Je me souviens plus c'est quoi le nom de la rivière. C'est une longue rivière qui descend jusque dans la mer, puis on peut aller faire du canot, là, du kayak, tu sais. Puis ça fait 45 minutes qu'on rame, c'est une ride de 3 heures. Puis ça fait 45 minutes qu'on rame, puis à un moment donné, on s'arrête sur le bord d'une petite plage. T'sais. On est dans le fin fond de la Gaspésie, là. Dans le fin fond d'un bois, dans le fin fond d'une rivière. C'ti. Puis là, on est arrêté là, puis Chris, pendant 15 minutes de temps, prendre des photos avec le monde sur la plage, qui sont là, qui me parlent, qui trippent de me voir, qui sont surpris. T'es comme, Chris, c'ti, là, hey, je suis loin, là. Je suis loin de mon appart. Internet sera même pas là. Comment vous avez fait, hostie, là, tu sais, pour me voir, tu sais, puis là, tu réalises que non, shit, il y en a, mais il y a une espèce de clash aussi où que on est 8 millions, là, puis moi, il y a 135 000 personnes qui me suivent. Là, c'est une fraction d'un pourcentage de la population qui me suit. C'est tout le temps un clash de je suis quelque part, je suis dans un bar, trois personnes qui viennent me voir. Puis il y en a une ou deux, c'est trois qui me connaissent, puis l'autre a aucune idée de Chiki. Puis là, t'es comme, ah ouais, on prend une photo avec Bonin. Puis il est comme, c'est qui ça? Pourquoi tu veux une photo avec? Il y a toujours un clash incroyable, tu sais, mais c'est incroyable. En même temps, c'est beau, mais en même temps, t'es comme, shit, tu sais, c'est un peu triste, en fait, pour moi, qui est un ermite, là, qui, ça faisait deux semaines, j'avais pas sorti de chez nous avant de venir ici ce soir, là, tu sais, fait que je vais pas tellement tâter, puis de toute façon, la popularité, ça a jamais été un but, puis je considère que n'importe qui se lance dans n'importe quel art, que ce soit la peinture, le chant, la danse, les arts martiaux, si tu fais ça dans le but d'être connu, ça va être de la merde. Ça va être de la merde, ça sera pas bon. T'aimeras pas ça, puis tu vas être malheureux, tu sais. Puis ça, c'est un autre gros problème que de notre génération, c'est que c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Hey, suce ma graine académie, si moi y aller, moi être connu, mais aller sucer des coques, puis on participe à ça. T'es comme, c'est sinon, ça, quel site, là? Ça? sucemagraineacademie.com. On est dans une ère où ce que, puis c'est de la faute des médias sociaux, où ce que on est tellement rendu égocentrique, où ce que c'est, tant que ça, si c'est pas axé sur nous-mêmes, on décroche puis on s'en tabarnak. Ce qui fait que les émissions à cette heure à TV que tu regardes, c'est un souper presque parfait, vol 920, toutes les hosties d'émissions qui pognent, c'est des émissions j'ai où ce que... J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Tu vois-tu une tournure qui s'en vient? Est-ce que tu penses qu'avec l'Internet et tout ça, il y a une switch qui va flipper? Ben. Qui fait que, dans le fond, les médias vont être pris en contrôle par le peuple plus qu'on le pense? Non, je pense pas que les médias vont être pris par le peuple. Les médias vont toujours avoir le dessus puis le plein contrôle. Ouais. Tu sais, ça fait au-dessus de 100 ans que les médias existent, puis les médias sont toujours adaptés à la population, à la vibe. Puis là, actuellement, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, les gens qui sont le plus nombreux démographiquement, c'est les baby boomers. C'est les gens dans cinquantaine, dans soixantaine. Fait qu'est-ce qu'ils intéressent, ces petits vieux-là? Ben, c'est Star Academy, c'est La Voix, c'est ces émissions-là débilisantes, mais ça les intéresse, ces petits vieux-là. Mais ces petits vieux-là, à un moment donné, ils vont mourir. OK? Puis une fois qu'ils vont mourir, ben là, les médias vont faire comme, bon, ben, qu'est-ce qui intéresse le monde? Puis là, ben, ça va être notre génération qui va être que on a grandi avec l'Internet. Fait que bon, ben, on va crisser l'Internet des jobs, finalement. Sur un piédestal. Puis ben, on aura probablement pas de job parce que là, il va y avoir le style d'union des artistes qui va entrer là-dedans. Puis ça va être eux autres qui vont être mis de l'avant. Puis là, un mouet qui va faire, que ça va faire 20 ans que je fais de l'Internet, va me faire bumper par un Claude Meunier à 93 ans qui va arriver avec le petit mais web show, est-ce que ça va être ça, tabarnak? Ouais. Mais le pire, c'est que ça a déjà commencé la migration en plus. Parce que tu le vois, juste avant, on avait le trafic. Maintenant, on avait. Après ça, on a eu le trafic avec les caméras d'autoroute. Là, on a le rapport Waze qui dit faites attention, selon nos utilisateurs de Waze, il y a un accident ouais. entre telle place, les spams de vidéos, les choses comme ça. Fait que on dirait justement que on est en train de vivre la phase inconfortable ben, où t'as le monde aux nouvelles qui font comme. OK, notre clientèle est en phase de sortie, puis on a une qui rentre, puis on n'a aucune calisse d'idée de comment aller chercher eux autres. Oui, fait que, OK, oui, ramasse oui. Reddit, va chercher qu'est-ce que Bonin partage, installe Waze, il y a du monde qui installe ça, cette application, let's go, on dirait qu'ils sont désespérés d'essayer n'importe quoi. Ben oui. Mais ça montre aussi, juste le transfert, comme tu parles, là, quand que j'étais jeune, c'est quoi, j'écoutais America's Funniest Home Videos. À Star, t'écoutes une émission, exemple vlog, ou d'autres types qui essayent de génios au pire ou tu sais quelque chose World Star Hip Hop qui ben toi t'es sur le web il y a pas un show à TV tu sais à TV il y a pas encore un show World Star Hip Hop tu sais ça va être écœurant je vais acheter le pas juste pour ça mais ils font le transfert, c'est plus America's Funniest Video, c'est fuck off. Pourquoi payer le gars qui envoie sa cassette un 10 000$ parce que c'était drôle quand on peut juste le voler sur son compte YouTube puis le publier à TV, le faire analyser par deux humoristes. Pis ça, c'est la coche un petit peu plus over. On met un gars qui touche haut en anglais ou justement Jay avec son show à Musique Plus. Là, il y a un autre show que j'ai tombé dessus l'autre jour aussi. Je m'en rappelle pas c'était sur quelle chaîne parce que c'était pendant le débrouillage. Musique Plus, ils sortent de quoi? Non, mais pendant le débrouillage, il y avait un show que j'écoutais puis je m'en rappelle pas c'était quoi, mais c'était trois humoristes, je pense, qui tentaient d'analyser des vidéos. Ah, c'est Kleptoman à... Ah, Kleptoman. Ah, The Web ou ouais, de musique? The Web. Bon, ça, de web, okay. Je ne sais pas. Mais si c'est de musique, c'est Kleptoman de Mike. On s'entend que c'est une évolution de l'heure à clip. C'est graduellement. Puis... Mais reste qu'il y a quand même un réel problème. Et vous pouvez me mépriser tant que vous voulez. Mais cette discussion-là, je l'ai eue avec Denis Lévesque, hors d'onde. Puis il me jasait. Anecdote-nous ça. Oui, c'est ça. Je vous anecdote ça. C'est un temps. Il me contait que. Puis c'est vrai, il y a un réel problème. De code d'écoute actuellement, ben oui. Surtout dans la télévision, parce qu'il y a deux facteurs, en fait. Puis il va avoir un lien avec l'émission de Denis Talbot, c'est que là, présentement, les gens arrêtent de regarder la télévision parce que c'est sur Internet. Puis l'autre problème, c'est que les gens enregistrent à cette heure sur leur terminal l'émission, puis la réécoutent par après dans le but de skipper les pubs. Puis ça, les diffuseurs puis les producteurs le savent. Ben oui. Ce qui fait que le prix de la pub a baissé à n'en plus finir. Ce qui fait qu'à cette heure, ils vendent 4 fois le bundle de pub qu'ils te vendaient au départ, mais pour le même prix. Tu expliques finalement la pub de rasage de pied avec la corne? Hein? Tu sais, quand t'écoutes du TVA, là, t'as les pubs là, d'une machine. Les infopubs, genre, les infopubs sur TVA à midi et demi, ben, là, puis t'es tenté de regarder en fait, la programmation à payée. Pour, admettons, un 15 000$, avant, t'avais ta pub qui passait au LCN, au journal télévisé du midi. Là, à cette heure, pour 15 000$, tu l'as LCN, tu l'as Occupation Double, tu l'as Argent, Météo, tu l'as partout. Mais c'est le même 15 000$. Ce qui fait que. On n'a plus tant d'argent que ça pour produire des émissions de qualité. T'sais, qu'est-ce qui va coûter le plus cher en t'aller chercher des gens qui ont étudié au conservatoire, qui sont formés, que c'est des animateurs hors pair, ou en t'aller chercher Ginette qui va nous montrer comment faire un hostie de pain doré. Ou des reprises de Meet the Kardashians. Ou aller chercher des reprises américaines qui coûtent fuck all ou laisser à produire le Québec parler. Et à diffuser. T'sais. Fait que, un moment donné, Denis Talbot, ben désolé, mais bye, tu sais. Ouais, Jay Saint-Louis ouais. peut avoir sa demi-heure d'émission parce que tabarnak, il a sa console, il contrôle la caméra, il contrôle le montage. Il fait tout lui-même. Il fait tout lui-même, ça coûte rien à produire. Puis je pense que c'est vers cette méthode-là de production que la télévision va se tourner pour être capable de, un, tout en main, tout inclus, là, puis vas-y, t'as ta console, fais ton propre show, parce la télé, que là. On n'a plus l'argent pour ça. Mais il y a même eu une refonte au niveau des codes d'écoute. T'sais, j'avais lu un article dans Wired qui mentionnait que les Nielsen Reports, qui est un peu comme la référence, les la Nielsen Industries, les, ouais. C'est ça, au niveau de la télévision, c'est eux autres qui définissaient les codes d'écoute. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que maintenant, les Nielsen Reports sont basés aussi, mettons, je vous donne un exemple, il y a la première de Walking Dead. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller regarder les tweets de Walking Dead, ils vont aller regarder les hashtags utilisés, puis l'interaction avec le contenu. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire aussi les compagnons télé. Comme je me souviens, au début de la première, de la dernière saison de Walking Dead, moi, je l'écoutais avec le compagnon. Puis là, pendant les pauses, hey, qui tu penses qui va mourir en prochain? Puis le monde, il vote là-dessus. Mm. Puis je suis embarqué dans cette vibe-là. Mais ce que je fais en réalité, c'est que je confirme, j'écoute ton show. Ouais. Puis à ce moment-là, je l'écoute encore. Puis à ce moment-là, je l'écoute encore. Puis à la fin, j'étais encore là. Fait qu'ils ont trouvé une nouvelle manière de pondérer les codes d'écoute en fonction du web, justement. Parce qu'ils savent que si l'émission finit à 9h30, puis à 9h29, t'as tweeté « Fucking bonnes émissions de Walking Dead, hashtag Daryl lives » ou whatever, ben, crime, ils savent t'écouter Walking Dead, puis ça rentre dans les codes d'écoute. Fait que tu sais, il y a vraiment des différences avec le contenu, puis justement la manière de pondérer tout ça, parce que ce que tu mentionnes là, ça c'est un domaine qui va affecter les cinémas, les clubs vidéo. Toute la forme de média est en train de changer au complet. Là. La consommation du média tout court est changée. Ouais. Moi, j'ai une question, peut-être pas rapport, mais ça me fait penser à mes vieux cours de communication, mais tu crois-tu vraiment que le médium, il y a le message? Si. Le médium, il y a le message? Je comprends pas ta question. Le médium de l'Internet, c'est le message. Parce que je trouve que le médium de l'Internet, le médium de la télé, puis le médium de la radio, l'Internet, c'est comme une convergence de tout. Puis je trouve que le message en soi, que tout le monde devient qu'est-ce qu'on consomme, comme je te dis, les deux jolies dames qui aiment nous expliquer leur philosophie de la vie, qui reçoit comme 140 000 views. Pas plus que ça, je pense. Puis ça s'est rendu à plus que ça. Il était à 350 000 dernière fois que j'ai vu. Mais le viewer devient le média qu'on consomme. Comme l'audience devient finalement le show. Comme Facebook, là, j'ai jamais compris. Dans comment le fond, les commentaires des gens créent l'interaction un plus des gros gens. C'est buzz, plus divertissant, si on peut dire. Un buzz. Ah ouais, bien joué. Ben. Je pense pas que c'était un message. Je pense que c'est principalement une loupe qu'on met sur notre paresse collective qu'on a, puis qui met une emphase, où c'est un outil de promotion de soi-même pour flatter son ego incroyable, puis qui ne veut pas devenir une star, puis s'autoproduire, puis là, ben on a la possibilité de le faire, fait... C'est de l'égocentrisme à n'en plus finir, lié à une facilité incroyable de... T'es, pouvoir t'es le faire, comme, hey, tu sais, moi, je veux regarder ça quand ça me tente, où ça me tente. Puis je peux le critiquer pas me taper quand mes ça pubs, me tente live. Je peux le critiquer. Puis, tu sais, ça, c'est l'autre affaire aussi. Là. Tu recules de 10 ans, là, tu voyais quelque chose qui faisait pas ton affaire à TV. Là, il fallait que tu te lèves, que tu ailles chercher du papier, un crayon, que t'écrives ta lettre. Puis là, t'avais le temps de peut-être modérer un peu ton propos. Puis là, tu finissais d'écrire ça. Puis là, tu sortais de chez vous. T'allais au bureau de poste. T'achetais 50 cents. Tu payais 50 cents. Puis là, t'envoyais ça à la station de TV sans savoir s'il était pour le lire. T'sais. Chris, ça décourage tout le monde. Mais là, à cette heure, t'écoutes de quoi? Si t'entends direct... t'es un déchet, mon calice, là. Ouais. Puis là, tu sais que la personne le lit, esti, tu sais. Fait que t'es comme, quelle importance, à un moment donné, t'accordes à la critique, puis ça fait un lien avec le « Pourquoi tu bloques tout le monde, Mathieu Bonnet? » Question que je voulais te poser, ouais. Pourquoi je bloque énormément de gens? Je suis rendu à 4700 personnes de bloquer sur mon compte Facebook, honnêtement. Puis, ça te le dit-tu le chiffre exact? Oh, ou oui, tu ça gardes dit, un compte dans un petit cahier? Non, c'est, je le sélectionne au complet, là, puis okay, après ouais. Ça, ça me dit le nombre de personnes. Là. Puis, c'est juste que, tu sais... 135 000 personnes, plus que de gens qui me suivent, qui m'aiment, plus qu'il va y avoir de gens qui m'aimeront pas aussi. C'est toute proportion gardée. Il y en a qui ça te suivent ça pour vient avec, pas t'aimer. Probablement qu'il y en a qui me suivent de moins en moins parce que j'ai bloqué aussitôt que j'en vois. T'sais. Puis t'es comme, à un moment donné, il y a des gens qui sont boqués. Il y a des gens qui veulent rien comprendre, qui sont pas ouverts au débat. t'es comme, hey, je vais-tu commencer, moi, là, ma journée de travail, là, ça va être de 7h le matin à minuit le soir, là, à prendre chacun des commentaires, faire comme, bon, pourquoi tu m'écris ça? Pourquoi tu penses ça? Moi, je suis juste comme, regarde, je vais te faciliter la tâche, tu ne m'aimes pas, puis moi, j'en ai rien à foutre que tu ne m'aimes pas. Reste que, moi, je trouve ça assez ordinaire que tu m'envoies chier. Fait qu'on fait quoi avec ça? Regarde, je te facilite la tâche, je te bloque. Tu me verras plus dans ton newsfeed. Je te fais, je t'arrange finalement. Dis-moi merci, Chris, parce que je fais ça, tu sais. Puis là, t'as le monde qui vont dire, il me brime ma liberté d'expression parce que je fais ça, tu sais. N'importe qui a le droit de m'envoyer chier, là. Puis honnêtement, avec plaisir, fais-le, tu sais. Mais c'est pas parce que t'as le droit de m'envoyer chier que je suis obligé d'endurer ça. Et là, la nuance, tu sais. Je t'empêche pas de m'envoyer chier. Je t'empêche de le faire sur ma page. Mais si tu veux, après ça, l'écrire en statut Facebook, que tu te considères que je suis un tas de marde, t'as la liberté de le faire. Fait qu'en quoi je brime ta liberté d'expression quand je te bloque? T'as encore le droit de m'envoyer chier, mais là, à un moment donné, Chris, c'est quoi? Faut que je te laisse rentrer chez nous pis me crisser une volée parce que tu m'aimes pas. Il y a des limites, là. Moi, tu sais, je suis pas... Je suis pas le Parti québécois, je suis pas un média de masse, c'est un compte personnel que j'ai, tu sais. Fait que, ben oui, ben, tu m'aimes pas, tu m'envoies chier, je te bloque, si tu veux continuer à m'envoyer chier, tu le fais quand même, là, puis t'as pleinement le droit de le faire, puis c'est pas là-dessus, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont là d'un commentaire, qui essayent d'interagir, qui ont du fun, qui s'entendent bien avec moi. Je suis comme, ben, je vais mettre l'emphase là-dessus, puis à un moment donné, c'est parce que c'est comme, c'est gossant, là, tu sais, dans un échange intéressant, qu'il y a un gars qui est comme, mange la merde, bonnet, puis t'es comme, regarde. Là, l'énergie brûlée, ben aussi, oui, tu sais, ça draine, là, à un moment donné, là. Fait que... Des fois, juste, ben vite avec ça, tu penses-tu des fois avant de bloquer au clic perdu, peut-être? Ou t'es rendu à un autre level? Ben, là, genre? C'est qu'à un moment donné, tu sais, t'es comme. Je vais essayer de voir vite. Tu sais, il y a bien du monde que ça fait longtemps, bon, qui me suivent, qui sont souvent là. Puis, tu sais, je bloque pas non plus quelqu'un qui va venir m'écrire une critique, qui va faire comme, hey, pour vrai, là-dessus, tu t'es planté, c'est assez imbécile. Ça, je suis comme, bon, si ben, c'est bien présenté, si c'est on même s'il y a une insulte, mais je veux dire, je peux comprendre que sur certaines choses, la personne n'a pas aimé ça, puis c'est correct, tu sais. Mais quelqu'un qui va venir m'écrire dans un commentaire, mettons, hey, prends tes pilules, style bipolaire, t'es un tas de merde, je suis comme, bon. Il n'y a absolument rien de constructif. Il ne partage pas vraiment une opinion. C'est un sophisme ad hominem qu'il me fait. Là. T'es comme, ben regarde, je te bloque, là, puis c'est fini là, mange la marde, tu sais. Mais, tu sais, comme justement dans la photo que tu as partagée un matin, il y a une fille qui écrit comme il va avoir 6 personnes de bloquer, je trouvais ça drôle. Je suis allé bloquer les 6 personnes, puis il y en a un qui est venu m'écrire sur un autre compte, me dire Chris, pourquoi tu m'as bloqué? Je m'en crie, j'étais comme, ah oui, ben je l'ai redébloqué, ça finit là, tu sais, je suis pas un fou furieux là, du blocage non plus. C'était rendu juste une inside joke, je pense. C'est comme, à un moment donné, regarde, je choisis mes combats, puis je choisis où ce que je veux dépenser mon énergie. Puis de la dépenser à m'obstiner avec des gens qui, à prime abord, ne m'aiment pas. Je considère que ça n'en vaut pas la peine. Fait que je les bloque. En terminant, Mathieu, parce que malheureusement, on approche de la fin de l'émission. C'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient de Mathieu Bonin? Là, on a Boss Bonin. Là, je sais que tu as ton show radio web qui arrive. Tu peux-tu nous parler première, de ça un c'est peu, demain? Oui, la première de ce show-là, c'est demain. Puis moi, c'est surtout... ce show-là, c'est vraiment pour moi que je le fais parce que je suis un peu tanné de toujours devoir m'auto-censurer dans mes écrits ou dans les commentaires ou dans les statuts que je vais faire parce que les gens ont l'option de pouvoir le signaler. Puis moi, un signalement, s'il est bien reçu par Facebook, je me fais bloquer 30 jours. Fait que ça veut dire que je suis suspendu sans solde pendant 30 jours. Puis moi, pas avoir de paye pendant 30 jours, c'est assez catastrophique. Oui. Fait que je fais attention. Il y a un filtre énorme au travers de ce que je partage pour pas me faire bloquer. Mais là, ça va être sur Ustream, puis ça va être de l'audio. T'sais. Fait que personne peut... Il n'y a pas personne chez Facebook qui va faire comme, bon, je vais m'asseoir puis écouter ce qu'il dit, voir s'il n'insulte pas quelqu'un. Ça va être vraiment une liberté d'expression absolue que je vais avoir. évidemment dans un cadre légal, parce que ça me tente pas que ma maman capote encore parce que je me fais passer les menottes. Donc, c'est vraiment pour moi que je le fais, puis je suis bien conscient que probablement les premiers mois de ce show-là, ça va être assez ordinaire en termes de visibilité. Probablement qu'à la longue, les gens vont finir par prendre le réflexe de venir m'écouter. C'est surtout aussi les radios ont pris un virage musical totalement imbécile qui est en train de complètement tuer l'industrie de la radio, parce que les gens à cette heure ont l'option de syncer leur téléphone via Bluetooth avec leur char, puis d'écouter la musique qu'ils veulent écouter. Fait que t'es comme, pourquoi que j'écouterais de la musique, ça me tente peut-être pas d'écouter avec des pubs à n'en plus finir, tu sais. Fait que t'es comme, mais c'est un virage de merde. Fait que la radio parlée, il y en a plus tellement. Fait que moi, je veux offrir juste un, regarde, tu payes sur Play, tu fermes l'onglet, tu continues à zigonner sur Facebook, puis tu m'entends en background. Fait qu'il y a ça qui s'en vient, ce show de radio-là, à partir de demain. Ça va durer combien de temps, ton show? Puis une heure. Puis la fréquence de tous les jours? Je vais commencer avec une fois par semaine. Puis après ça, je verrai comment ça va. Mais pour l'instant, une fois par semaine. Tout le temps les mardis ou date demain, on est mercredi. Ça va être chaque mercredi. Puis c'est de 6 à 7. 18h à 19h. Oui, c'est ça. De 18h à 19h. Je voulais être avant les grosses émissions, avant les games d'hockey, avant ce qui fait que les gens sont plus sur Facebook, ouais, finalement. Ouais. Puis un peu après, le retour à la maison, le souper. Fait que c'est comme, moi, je trouvais que c'était la case horaire idéale. Fait que ça va être une fois semaine, on verra. L'émission est scindée en deux parties. La première partie, ça va être un peu plus éditorial. Je vais avoir une co-animatrice avec moi, on va jaser, peut-être péter des coches. Puis la deuxième partie est vraiment réservée aux appels, aux lignes ouvertes. Puis les gens m'appellent. Ta co-animatrice, es-tu connue du public déjà? Non, elle n'est pas connue du public, mais elle étudie présentement en cinéma. Elle fait de l'impro aussi, elle est dans une ligue d'impro. Fait qu'elle est capable de... Ouais. C'est pour ça que je suis allé la chercher, elle. Je cherchais surtout aussi une femme pour faire ça avec moi, parce que j'étais comme je pense que ça va être la meilleure façon de contrebalancer un peu là, mon tempérament explosif là, puis je vais rejoindre aussi probablement plus de femmes qui m'écoutent. T'as, parce qu'il va en avoir une dans le c'est Adam Carolla qui est vraiment populaire aux États-Unis, sa radio puis en podcast maintenant aussi. Okay. Mais il y a toujours eu une femme présent pour le calmer. Ben oui, je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait toujours une femme qui était là pour le bring it down, puis là, OK, mais là, on change à ça d'autres choses. Ça peut être intéressant aussi d'avoir... Mais la diversité apporte toujours une dimension intéressante d'un show, justement, puis c'est intéressant. On demande le nom de l'émission, est-ce que tu l'as déjà dévoilé? Oui, le nom de l'émission, c'est officiellement « Nous, on trouve que Morel Live, c'est pas tant nice ». Ça va être ça. Génial! Je persiste dans ce titre beaucoup trop long. Puis t'as parlé tantôt sur Facebook... T'as eu déjà une mise en demeure? Oui, ben ou c'est une joke? Non, c'était une mise en demeure, parce qu'on a fait un test de son en direct, puis je répéterai pas les propos là, finalement. C'était sur un certain hôpital, là, puis cet hôpital-là en question n'a pas vraiment apprécié mes propos. J'ai reçu une mise en demeure me disant de retirer l'extrait audio parce qu'il était disponible sur Ustream. Moi, j'étais certain, je ne savais pas l'histoire, j'étais sûr que ça avait rapport avec Moret. Ben, il serait complètement imbécile là, de quoi. Tu sais, écoute, je le souhaite là, du plus profond de mon cœur qu'il m'envoie une mise en demeure, parce que je vais évidemment garder ce nom-là pareil. Ça va me donner une publicité incroyable. On parlait de publicité via la controverse. Ouais, ça, c'en est une qui est contrôlée et qui est très drôle. Là. Mais ça me il est pas assez imbécile, je pense, là, pour commencer. Il s'en fout un peu, oui. Je dis ça de même, mais tu dis Ustream. Qui dit Ustream dit PlayStation Live. On tripe, c'est ainsi sur Playroom, qu'est-ce qui se passe sur PlayStation, mais tu vas pouvoir la regarder même sur PlayStation ou l'écouter. OK, ouais, c'est vrai. Ces plateformes-là, PlayStation, voilà. La majorité des plateformes maintenant sont accessibles. Mais Ustream, il est sur PlayStation, fait que tu vas être là avec... Tu vas pouvoir pogner des gamers qui... Pendant qu'ils jouent, ils t'écoutent. Je vais vous faire un 5 minutes là, de résumé. Là. Moi, je joue principalement à, évidemment, Call of Duty puis Batman Arkham. Là, fait que dans le fond, quand tu prends le temps de jouer pour t'évader, tu te fais juste insulter par des enfants de 12 ans à place. <C'est ça. rire> Exactement. Écoute, un gros merci, Mathieu, de t'être déplacé. Venez jaser avec nous autres mardi. Un soir de semaine, voilà. Ben soir ordinaire. Game de hockey. Game de hockey en plus. Fait que, écoute, les gens qui voudraient te suivre, ben écoute, je suis pas mal sûr qu'ils vont être capables de trouver. Hein. S'ils sont pas bloqués. Pour la mise en forme, les gens voudraient te suivre, Mathieu. Oui, ben c'est mon compte personnel Facebook, Mathieu, avec deux T, Bonin, B-O-N-I-N, M-A-T-T-H-I-E-U, B-O-N-I-N. Il y a un crochet bleu certifié, de toute façon, à côté de mon nom, là, pour être sûr que c'est mon compte. Puis sinon, c'est avec ma fanpage Boss Bonin, où ce que là, c'est vraiment axé sur le contenu qu'il y a sur mon site principalement. Sauf si ça vous tente pas de m'écouter raconter des anecdotes de merde, puis de juste avoir les updates de ce qui se passe dans l'univers planétaire du Buzz, ben il y a Buzz Bunny qui est là pour ça. Merci mille fois. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi? Sur Twitter, Zombie Milter, mon compte personnel sur Facebook, Jonathan Milter. Sinon, partout, Xbox Live, Milter 187, venez jouer avec moi à Minecraft, parce que je suis pauvre, puis je joue à ça, c'est en site. Tu joues à Don't Starve aussi? À Don't Starve sur PC, fait que même Milter 187 aussi, sur PC, Steam. Excellent. Venez Éric? Jouer avec moi. Montréalien, Steam, PS4, Xbox, tout kit. Puis Price 13,87 sur Battle.net comme d'habitude. J'ai une équipe de Heroes of the Storm. On accepte des challenges en ce moment. On est 5 qui vont vous fourrer à voler. Fait que on est prêt à se démarquer dans la scène e-sport du Québec. C'est 4 enfants de 12 ans qui crient des insultes en fait, dans son team. C'est 4 adultes dans leur vingtaine et trentaine qui se rendent compte à fourrer et voler aux gens dans Heroes of the Storm. Un jeu aucunement prouvé dans l'e-sport, mais on va prendre ça par fureur au Québec. Puis en passant, je te fourre à voler avec un paladin. Comme d'habitude. Ouf, pareil comme dans Hearthstone. Ben, merci beaucoup, Eric. Mon nom, moi, c'est André Paquette. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, André Paquette. Sinon, Uzumaki QC sur Instagram, Twitter, PSN, Xbox Live, Steam, pas mal partout. Et nous sommes le Geek Collectif, un podcast, une balado francophone disponible sur iTunes, geekcollectif.com, facebook.com/geekcollectif, le podcast, Geek Collectif sur Twitter. J'ai fini mes shameless plugs, mais si vous aimez l'épisode que vous avez écouté, si vous avez aimé le live stream que vous écoutez présentement, montrez-nous votre monnaie sociale, allez nous donner des likes, sharez nos articles, partagez nos trucs et abonnez-vous au podcast, c'est la meilleure reconnaissance. On vous demande pas de cotisation financière, on veut juste que, ben, dans le fond, vous partagez nos trucs puis vous partagez notre passion avec les autres comme et on sait faire Facebook, avec vous. Facebook, c'est 10$ le like maintenant, j'ai entendu. Écoute, c'est 20$ le like maintenant. Ouais, get that Facebook money. Là, c'est millionnaire, man, avec nous autres. Voilà. Écoute, on finit ça sur quel toune tordu cette semaine, ben, les boys? Tu Mathieu choisir? Mathieu, on a une tradition. Spot, ouais. On choisit une toune, un vidéo bizarre. On va y aller avec... moi, je suis un fan inconditionnel de j'en ai deux, Ben, je sais pas lequel choisir pour y aller dans le LOL. Je vais y aller avec Coldplay, puis on va mettre Clocks de Coldplay en kazoo. En gazou? Un cover de gazou. C'est clair qu'on trouve ça. Okay. Voilà. Fait que Milton, tu prends ça en note. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous autres. On se revoit dans deux semaines pour un épisode avec Christine et Noémie qui vont venir nous parler de Festiomuse. Et sinon, ben, bonne soirée, bonne journée, bon matin. Que vous êtes dans l'auto, au travail, peu importe. Un podcast, c'est intemporel. À prochaine. Shout out, Bégin.